Entrevue de Berthold pour le mois de mars de l'année 2022. Donc, ici David au micro. Et présentement, vous pouvez voir à l'écran Berthold. Donc, bonjour Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Donc, aujourd'hui, je vais aborder plusieurs sujets avec toi, notamment par rapport à l'actualité internationale. Donc, les événements récents qui se produisent en Ukraine. Donc, j'ai comme questionnement de fond qui m'habite depuis plusieurs jours, depuis le déroulement des événements là, avec la Russie qui est arrivée en Ukraine tout récemment. Donc, est-ce que nous nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale? Donc, aujourd'hui, dans un premier temps, je vais amener Berthold à commenter la crise en Ukraine. Peut-être un peu plus tard, commenter de nouveau la crise qui est liée au virus, ce que certains appellent la peur d'Emmy, l'épidémie de peur. Et donc, on est dans une situation, une conjoncture particulière où deux crises se déroulent présentement. Et puis, s'il y a un petit peu plus de temps à la fin, là, tout dépendant, peut-être aborder des sujets en lien avec la conscience supramentale ou la métaphysique. Donc, voilà ce que je prévois faire aujourd'hui. Sans doute, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui sont curieux de voir le commentaire qui va être fait aujourd'hui là, en lien avec la situation géopolitique là, qui se déroule en Europe de l'Est. Mais juste avant, je veux mentionner aux gens qui vont découvrir aujourd'hui Berthold pour la première fois qu'il est un YouTuber très prolifique. Au fil des ans, il a réalisé au-dessus d'une centaine de vidéos, dont plusieurs où il est question de conscience supramentale, aussi de commentaires sur l'actualité. Et vous allez pouvoir avoir naturellement là, ses coordonnées de sa chaîne YouTube en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je veux aussi mentionner aux gens qu'il existe la chaîne supramentale Berthold, qui n'est pas administrée par lui, mais qui vaut la peine aussi d'être découverte. D'ailleurs, je mettrai ses coordonnées en bas de l'enregistrement, étant donné que vous pouvez y retrouver au-dessus de 400 extraits d'enregistrement qu'a fait Berthold devant moi au fil des ans. Donc, c'est sûr que je salue le responsable aussi, m'écoute présentement pour lui remercier en fait de tout le travail qu'il a fait pour identifier des extraits, notamment là, par rapport à des enregistrements que fait Live Berthold. Donc, il va identifier des extraits, comme si par exemple, il parle de la programmation, différents sujets qui peuvent avoir une portée à long terme, sous forme de capsules, qui peuvent varier entre 30 secondes et 2 minutes et demie souvent. Donc, ça va chercher des éléments très pertinents. Donc, il a fait un travail colossal, là. J'ai été voir récemment, il était rendu au-dessus de 400 extraits. Sinon, ben c'est sûr que s'il y en a qui s'intéressent, vous allez avoir naturellement les coordonnées de mon audiothèque de Berthold qui comporte plus de 200 enregistrements en format MP3. Et les coordonnées naturellement des livres du livre en fait qui a été fait en lien avec les transcriptions d'entrevues que j'ai fait au fil des mois avec Berthold. Donc, ça fait beaucoup de matériel qui est disponible en cette année 2022 par rapport à Berthold. Et je voulais comme le mentionner aux gens qui, après l'entretien aujourd'hui, donc si vous avez le goût d'écouter d'autres enregistrements, bien, vous pourrez le faire en masse pendant plusieurs heures. Sinon, moi, en tant que tel, j'ai au-dessus de 500 enregistrements que vous pouvez écouter là, sur mon sur Internet. En fait, j'ai deux chaînes YouTube, donc j'ai beaucoup de choses moi aussi. Et c'est sûr qu'en passant, s'il y en a qui apprécient particulièrement mes activités de diffusion web, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, en soutien à mes activités de diffusion web, parce qu'au fil des ans, ben, je diffuse un peu plus plusieurs centaines d'enregistrements. Donc, vous aimez ça en particulier. Vous êtes bienvenus pour le faire. Donc, à présent, je suis prêt à commencer avec toi pour ce commentaire sur l'actualité internationale. Donc, la question se pose au moment où on se parle. On est rendu au début du mois de mars. Alors, sommes-nous présentement à l'aube de la Troisième Guerre mondiale par rapport à la Russie qui cherche à prendre le contrôle de l'Ukraine depuis plusieurs jours et qui menace tous les pays qui voudraient s'opposer à son opération militaire avec son armée, en disant qu'elle a la plus grande armée du monde, la Russie, et du fait qu'elle dispose de l'arme nucléaire. Poutine menace tout pays qui voudrait venir en Ukraine là, attaquer les troupes russes. Donc, sommes-nous présentement à un point de bascule qui pourrait mener à une troisième guerre mondiale? Ben, ça peut servir de prétexte. Ben, il y a des choses que tu dis, j'ai pas vu ça textuellement là, de la part du président russe. C'est des interprétations de nos médias. Donc, quand il dit que une certaine partie de la défense militaire russe reste en alerte au cas où qu'il y ait des interventions extérieures. Par rapport à tout ça, il n'est pas en train de menacer personne de l'arme nucléaire. Là. Ben, je le vois pas comme ça, c'est nos médias qui le voient comme ça. Oui, c'est sûr que là, c'est un autre aspect qui va être intéressant à aborder. Là, c'est la propagande médiatique qui est faite alentour de cette guerre. Mais de ce que j'ai compris tout de même, c'est que Poutine sous-entendait que s'il y avait des troupes armées qui iraient présentement donner main forte aux soldats ukrainiens, ça pourrait amener par la suite des représailles de sa part, puis il laissait sous-entendre que, bon, il rappelait aux gens qu'il y avait une armée importante puis l'arme nucléaire. Ça, c'est dans une vidéo qui faisait allusion à ça. Oui. Bien, ça a toujours été la politique de Poutine depuis 20 ans. S'il y a une intervention extérieure, qu'il y a une intransigeance dans le sens de vouloir se mêler des affaires intérieures russes, ben ça a toujours été la politique de la Russie. Je veux dire, c'est pas récemment, ça. Il a juste rappelé, qu'il s'est pas changé, là. Mais il y a à peu près 20% là, de ces forces, des forces militaires russes qui sont en train d'intervenir en ce moment. C'est pas. C'est une opération. Je vois pas ça vraiment comme on nous le présente. C'est certain qu'il dit que si jamais il y a une intervention extérieure, là, il pourrait y avoir une escalade, une réponse immédiate. Mais ça a toujours été la politique de la Russie. Ça a toujours été ce qui était dit. Je veux dire, c'est pas pour rien que pendant la guerre froide, il suffisait que des avions approchent de l'espace aérien, puis tous les systèmes étaient en alerte, puis ça n'a pas changé. Non, exactement. Par contre, ce qui est différent présentement, avec ce que les médias occidentaux nous disent, c'est-à-dire que les médias occidentaux nous disent que présentement, la Russie a envahi l'Ukraine, tandis que la Russie, eux autres, vont dire non, c'est une opération spéciale qui se déroule en Ukraine. Et si on parle d'envahissement ou de guerre en Ukraine, dans les médias russes, les journalistes s'exposent jusqu'à 15 ans de prison. Ah, ça, c'est si au niveau là, des journalistes qui iraient faire, si on peut dire, là, de la propagande active, répandre des faussetés sur les réelles intentions de la Russie. Le problème, c'est que la Russie, ça a toujours été dans sa politique au niveau de l'OTAN. L'OTAN, ça aurait dû être dissous, ça, à la chute de l'Union soviétique. Ça aurait dû être dissous, ça, vers 89-90, les années Yeltsin. Ça n'a pas été dissous, pourquoi? Parce que c'est l'obsession atlantiste des Américains, entre autres, d'avoir un ennemi extérieur est-ouest. Donc, l'OTAN existe encore. Puis les Russes, ça a toujours été clair au niveau de leur politique. Ils veulent pas avoir des pays qui font partie de l'OTAN collés sur eux à leurs frontières. Ils veulent des zones tampons. Donc, au fond, c'est qui là-dedans qui est... L'ingérence vient d'où? De l'Est ou de l'Ouest? On avait un président ukrainien qui avait été démocratiquement élu, qui était pro-russe. Puis finalement, qu'il y a eu une révolution colorée qu'on appelle les opérations des services... la CIA, si on veut, pour faire tomber ce président-là. Puis finalement, maintenant, on a une copie très ukrainienne de Trudeau, là, un jeune acteur qui est devenu milliardaire en Pologne. Il veut pas de ça, Poutine, près de chez lui. Il y a deux républiques pro-russes qui se sont retrouvées, si on peut dire, ils veulent être... Ils veulent s'autodéterminer dans ce qui. Puis finalement, ça pourrait faire une zone tampon qui n'est pas liée à. Puis les forces ukrainiennes de l'Ouest n'arrêtent pas de vouloir dissoudre cette zone tampon-là. Donc c'est pour ça qu'il intervient, Poutine, à mes yeux. Il veut pas prendre Kiev pour prendre Kiev, puis que toute l'Ukraine fasse partie de la Russie. C'est juste que il veut faire tomber le régime qui attaque les deux petites républiques qui servent de zone tampon. Ensuite, il va avoir un retrait vers l'Est. Oui, à moins C'est que... clairement ça qui est dit de la part des Russes. Ouais. Je ne pense pas que les Russes veulent garder Kiev, là. Mais C'est peut-être qu'il y a impérial. une nostalgie par rapport à la grandeur de l'ex-URSS, Mais c'est certain. De puis la qu'ils même veulent façon retrouver que les parts de marché qu'il y avait avant, parce les qu'autrefois, ports de l'Ukraine... marché, c'est pas très, Ben, c'est... socialiste, URSS, des ports de Non, marché. non, je vais corriger mon vocabulaire, là. C'est parce que là, je pense au niveau économique, mais je vais le penser au niveau politique, c'est-à-dire retrouver les territoires qui faisaient partie de l'URSS, comme l'Ukraine puis les pays adjacents, là, à la Russie. C'est certain qu'il y a une certaine nostalgie de la part de Vladimir Poutine, mais qui va même au-delà de ça. Même qui va jusque dans le temps de la Sainte-Russie, là, les tsars. On le voit par l'aigle qui tient un globe sur le drapeau qui est à gauche de M. Poutine dans son bureau. C'est même une nostalgie qui va jusqu'à l'époque d'avant l'URSS. Mais il reste que d'un point de vue stratégique, ça serait contre-productif de vouloir reprendre tous les petits pays de l'ancienne Union soviétique. De toute façon, c'est des petits territoires. C'est comme la Moldavie, là, qui veut de la Moldavie? Voyons, là. Je veux dire, l'Ukraine est intéressante au niveau de sa production en blé, entre autres, des choses comme ça. Mais la Russie n'a pas besoin d'eux tant que ça. Là, est-ce que pour des raisons de nostalgie puis de sentimentalité, parce que Vladimir Poutine est un Slave qui obéit à ses affects, là, il voudrait reprendre toute la Roumanie, pas la Roumanie, mais toute l'Ukraine, je pense pas. Bon, qui voudrait de l'Est de l'Ukraine, qui est parmi les gouvernements les plus corrompus d'Europe, puis qu'il y a du crime organisé, puis que c'est un vrai panier de crabes, puis que c'est des problèmes à gérer? Je pense que c'est surtout la zone tampon qui touche à la Russie qui veut restabiliser, là, pour pas avoir l'ennemi à sa porte, tout simplement, là, ou des problèmes à sa porte, là, recréer une zone plus stable. Mais à part ça, non, moi je vois, c'est qu'on est presque on est plus dans de la défense que de l'offense, là. Depuis un bon bout de temps, là, avec ce qu'il y a eu en Ukraine, là, qu'il y avait des snipers qui tiraient à la fois sur les policiers et les manifestants, là, il y a quelques années, puis tout le trouble qu'il y a eu. C'est certain que ça inquiète les Russes. Ils veulent pas de se faire. Ils veulent pas que des agents comme ça viennent foutre le trouble dans des régions russes, c'est normal. Puis la zone tampon qui protège de ça, ils veulent rendre ça plus re-rendre ça plus étanche. C'est normal. Moi, je vois pas, il est où le. Dans le fond, là, ils ont. On dirait que l'Occident cherche à provoquer. C'est comme. La Russie, c'est comme un gros ours, là, à l'est, là, puis là, on le picosse, là. Puis là, une fois qu'il attaque, on dit: ah, ben, voyez, là, il est agressif, cet ours-là, il est dangereux. C'est un psychopathe qui a perdu la tête. Alors que moi, dans ce que je vois dans les agissements de Vladimir Poutine, je vois rien d'irrationnel, là. Il suit la même politique Ben, qu'avant. rien d'irrationnel. On parle quand même que dans les derniers jours, la Russie a attaqué une centrale nucléaire en Ukraine. Voyons donc, toi, est-ce que tu ferais sauter une grosse tank à gaz à côté de ta maison? Je crois pas. Ça, En tout c'en cas, est de selon la. les médias officiels, il y a eu des C'est tirs de ça. chars d'assaut. Puis là, il a fait l'occupation de la centrale ukrainienne de Zaporizhia. Qui est quand même très grande là, en Ukraine. Puis là, il y avait comme un risque, c'est sûr que s'il tire dessus, ben il joue un peu avec le feu, là, parce qu'il Ben, détruit moi, un réacteur puis il y a une fuite. j'ai vu des lumières arriver dans un parking, là. C'est ça qu'on nous montre. Puis, non, prends par exemple la région de Tchernobyl. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont sécurisé autour. Puis ça serait irrationnel, oui, mais même si Poutine avait perdu la tête, ses généraux sur le terrain, puis il ne laisserait pas faire des choses qui n'ont pas de sens non plus, là. Je veux dire, ça se tient pas ce qu'on nous dit. Ben, pourtant, dans le temps d'Adolf Hitler, ils ont laissé, les généraux ont laissé faire Adolf Hitler jusque Ah, dans les mais là, derniers temps, puis la c'était. chute à Berlin. Ouais, il y avait le pacte de non-agression, puis au Kremlin, c'était long dans le temps avant que l'information se rende, là. Puis ils étaient pas sûrs, là, qu'il y avait réellement, que les armées allemandes étaient réellement entrées dans le territoire. Puis le temps que ça parvienne au Kremlin, puis même Staline, il le croyait pas, ça. Il y avait une certaine naïveté. Mais là, on ne sait plus le même contexte, là, c'est pas pareil. Ça se compare pas, là. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a l'Internet haute vitesse, là, à la différence de la Deuxième Guerre mondiale. Ben, parce que là, et pourquoi les Russes feraient sauter quelque chose comme ça dans leur cour, c'est leur arrière-cour, là. T'sais, ils vont s'atomiser eux-mêmes s'ils font sauter une, je veux dire, les vents vont. Vont peut-être aller Ça. dans leur direction, mais ça Ben pourrait là. montrer le sérieux de leur volonté. D'être offensif. Ce qu'ils veulent, c'est prendre le contrôle justement pour sécuriser les sections, parce qu'il y a des centrales nucléaires, justement, pour pas qu'il arrive des. J'ai l'impression que ce qu'ils peuvent faire, les Ukrainiens, c'est justement eux-mêmes saboter leurs propres installations pour faire passer les Russes pour extrêmement dangereux puis irresponsables parce qu'ils veulent que l'Occident entre en guerre contre la Russie. Parce qu'on a affaire à une mafia, là. C'est, comme je te dis, c'est un des pays les plus corrompus d'Europe, là. Zelensky est devenu milliardaire en quelques années. Un acteur. Y a de quoi qui marche pas, là. Regarde qu'est-ce qu'il y a eu toute l'affaire, là, par rapport à Trump, là, qui ont voulu faire tromper Trump avec l'affaire ukrainienne, puis tout, parce que justement, il y a de la corruption entre la gauche américaine puis le gouvernement ukrainien qui a été mis en place par la CIA, entre autres. C'est le gouvernement Zelensky. Après avoir fait tomber un autre gouvernement, que lui, il était justement aussi légitimement élu, là, c'était correct, là, de faire tomber quelque chose de démocratique, mais là, à ce temps que c'est un pourri pis qui est rendu au pouvoir, là, c'est rendu, ça, c'est rendu la démocratie puis la lumière, puis il faut défendre ça coûte que coûte, quitte à faire basculer toute l'Europe dans une guerre. Ça va, c'est encore la destruction de l'Europe là, qui pend au bout du nez, là, puis c'est voulu par du monde qui ont de l'argent à faire puis qui financent des guerres. Comme la Deuxième Guerre d'ailleurs. Donc, c'est un piège. C'est plus le jeu très intelligent de la Russie ou le jeu très intelligent des services américains et anglais, c'est le jeu de banquier. Regarde là, qui a participé à geler des comptes russes là, dernièrement? La Suisse. Depuis quand ils sont pas neutres, eux autres? Y a de quoi qui marche pas, là. D'habitude, eux, ils prêtent aux gagnants et aux perdants. Ben oui, pour empocher de D'habitude, l'argent tout de le toutes monde. les... Ouais. Ouais, puis là, non. Il y a quelque chose qui se passe sous la surface. Puis le grand public est pas au courant de ces jeux-là. C'est pas normal que la Russie ait abandonné, la Russie, la Suisse ait abandonné sa neutralité. Il y a quelque chose là. C'est-à-dire que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont intérêt. C'est juste des jeux d'intérêt, des jeux de corruption. Mais moi, je vois pas l'affaire. Poutine, au fond, lui, c'est qu'il y a des fatigants qui sont en train de mettre depuis des années des sacs en feu devant sa porte. Puis il est tanné, il a ouvert la porte pour piler là-dessus. Puis là, on est là, puis là, regardez comme c'est un fou. Ben, c'est ça, c'est que je voulais t'amener aussi à parler, parce que là, ce que je vois présentement, c'est que les médias occidentaux, que ce soit en France, au Québec, dans les différents pays, sont tous pro-Ukraine, puis sont contre la Russie, dans les propos, dans le sens qu'on présente la Russie comme étant un méchant agresseur. Puis là, il y a eu dans les médias alternatifs, là, une vidéo qui a été abondamment relayée, qui a été virale, d'Anne-Laure Banel, qui est journaliste. Depuis 2014, au Donbass, qui est la région des endroits où les gens veulent se séparer, de l'Ukraine. Elle a dit que depuis 2014, l'Ukraine bombarderait des parties de sa population avec des tirs d'artillerie, soit des séparatistes. Puis il y aurait eu, jusqu'à présent, en 8 ans, environ 13 000 victimes. Il y a des femmes qui ont été trouvées de coupées en tranches, là. Ben, c'est On n'est ça, c'est pas parce mis au courant de tout ça. Poutine, puis une grande partie des Russes, puis des services russes, ils veulent mettre fin à ça. C'est à leur porte. C'est ça, je parle, les sacs en feu, là. Donc, de toute façon, Poutine, c'est pas un ange non plus, là. Tu sais, je veux Exactement, dire, mais là, la on n'est question, pas à prendre parti et à polariser ben, ça. c'est Les ça. Russes sont méchants, l'Ukraine sont gentils. C'est C'est parce toutes des pourris. C'est toutes des pourris. Autant Zelensky que Poutine. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un choix entre un pourri ou un autre. Puis le pourri le plus légitime, c'est Poutine. Dans ses agissements en ce moment, c'était évident qu'il allait faire ça, puis c'est pour ça qu'il le provoque. Mais de toute façon, là, ça s'était pas assez le COVID, puis les convois pour prétexter une hausse, puis l'inflation, puis tout, ça prenait une guerre, comme je disais. J'ai dit, on va avoir une guerre, parce que quand tu veux camoufler une crise, ça prend une autre crise, puis une autre affaire. Puis lui, ben, c'est le plus facile à faire réagir. L'ours là-bas, là, de mauvaise humeur. Exactement, mais sur le terrain que je veux t'amener, c'est que présentement, j'ai l'impression que les médias occidentaux présentent une partie des faits. C'est sûr que les pays comme la France, le Canada, on s'entend, on est lié à l'OTAN. Fait que logiquement, ben, on va être dans la propagande pro-OTAN qui veut prendre de l'expansion, aller chercher l'Ukraine et les pays qui sont limitrophes comme des ports de marché, des nouveaux adhérents à l'OTAN pour qu'eux autres aient plus de pouvoir, de puissance. Ben, c'est le Seigneur États-Unis, qu'on est des laquais. C'est ça l'OTAN. On est des serfs des États-Unis. C'est ça l'OTAN. De la même façon qu'au fond, l'Union européenne et puis les Nations unies, dans le temps de Woodrow Wilson, ça a été voulu par les Américains. Par des intérêts même qui vont au-delà des Américains, parce que le peuple américain aussi, là-dedans, est complètement instrumentalisé. Mais il reste que. Oui, c'est juste, c'est des guerres presque moyenâgeuses. L'être humain n'a pas évolué. C'est ça l'évolution, c'est-à-dire c'est le contexte qui a évolué. Mais c'est encore des guerres de seigneurs de la guerre, puis entre des. Ils veulent telle région, puis c'est des serfs. Puis le Canada, on est des serviteurs des États-Unis, entre autres. Puis même l'ONU, ça a été voulu par les États-Unis. Le nouvel ordre mondial, ça a été pensé par des gens qui ont au fond, qui n'ont pas de nationalité, mais que leur forteresse principale est américaine, si on peut dire. Mais c'est du monde qui n'ont pas, ils s'en foutent, là, ils n'ont pas de notion de nationale. C'est des affaires pour le petit monde, ça, pour le petit peuple. C'est comme quand tu as une grosse guerre dans le temps, là, au Moyen-Âge, là, dans le fond, puis qu'on engageait des mercenaires, puis là, c'est. Les blasons avec telle bibitte, telle couleur, contre les petits bonhommes avec tel blason, telle autre bibitte, telle couleur, c'est pour le petit monde, ça. Fait que pendant que le peuple, c'est comme le monde qui écoute le hockey, là. Ils prennent pour les petits bonhommes rouges ou les petits bonhommes bleus. Puis au fond, il y a des échanges de joueurs, comme il y a des mercenaires. Il y a des mercenaires en ce moment en Ukraine. Qui viennent surtout du Moyen-Orient. Puis ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ben Puis. justement, parlons-en maintenant. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est qu'il y aurait des soldats qui viendraient du Ah Moyen-Orient oui. Ben pour oui. ils seraient pour l'Ukraine ou pour la Ouais, Russie? ben pour le régime actuel ukrainien, parce qu'il n'est OK. pas question d'être pour l'Ukraine dans le fond, là. Parce que le peuple ukrainien, là, en ce moment, là, ceux d'après moi, qui empêchent le plus des réfugiés de sortir de l'Ukraine, c'est le régime de Zelensky, là. Ils ont intérêt à ce qu'ils restent. Parce que dès que les Russes essaient de faire une offensive, qu'il y a des civils qui meurent, ils envoient ça dans les médias occidentaux. OK, donc s'en servir de bouclier humain. Ben oui, mais c'est tout le temps de même. Ça a tout le temps été comme ça. Fait que c'est pour ça, là, que. Au fond, est-ce qu'on est sainte. Comme là, M. Trudeau, il est parti faire sa tournée, là. Oui, en Ça fait Europe. penser dans le temps, là, quand tu voulais financer une guerre, puis tu partais en tournée, puis t'as fait financer, là. Ça n'a pas changé, c'est juste le contexte qui a changé, qui a évolué. Mais l'être humain, pareil, c'est les mêmes façons, c'est les mêmes tactiques, c'est les mêmes jeux. C'est des affaires de seigneurs qui se battent entre eux, puis de mercenaires, d'engager des mercenaires. Puis c'est comme ça a été longtemps des mercenaires, les Suisses, entre autres. Il y avait des grandes piques, eux autres, dans le temps, là. Mais ils étaient reconnus, là, c'était des bons. faire tomber des cavaleries là, avec. Mais voyons, il y en a un qui avait réussi à. Bon, en tout cas, c'est des vieilles affaires, mais c'est parce que je vois encore, il y a ce qu'on pourrait appeler l'âme des peuples. Puis il y a les karmas collectifs. Puis je vois encore des vieilles affaires qui reviennent. Ça a tout le temps été, c'est les mêmes choses, je veux dire, c'est les mêmes jeux. Le peuple, il s'en fout de ce monde-là. C'est des pions. Oui, mais il en paye le prix puis il en souffre. C'est-à-dire que ça soit du côté des séparatistes ukrainiens dans le Donbass ou les autres en Ukraine qui se font attaquer par la Russie, les pertes humaines, les destructions de maisons, les pertes de niveau de vie, ainsi de suite, c'est abominable. C'est sûr, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, c'est pas. Là, les médias polarisent ça, faut prendre un bord ou l'autre. Il y en a un qui est un saint, puis l'autre c'est un pourri. C'est pas comme ça que ça marche, là. Moi, c'est juste ça. Puis même pendant que ça a commencé, tout ça, j'étais occupé, j'ai été 2 semaines ben occupé. Puis je m'en occupais pas de ça. Ce que je te décris là, c'est pas parce que j'aurais écouté les nouvelles, là. C'est ce que des choses que je savais déjà sur la situation par là. Mais l'affaire, c'est que les médias ils vont vouloir qu'on prenne un camp ou l'autre. Ben exactement, Mais. puis ils vont émettre certaines informations, comme la journaliste là, Anne-Laure Bagnol que je te parlais, là, qui parle qu'il y a au-dessus de 13 000 victimes, que les Ukrainiens auraient même bombardé une partie de leur population. Ça serait des formes de crimes de l'humanité, là, quand on y pense bien. Ben, ils n'en parlent pas, puis c'est juste les Russes qui seraient les méchants. Ben oui. Pourquoi? Parce que nous, on commandite telle gang. On fait partie des commanditeurs puis des intérêts de. Puis les journalistes, pas des génies, là. Ben là, tu as Jean-François Lisée qui, dans un article récent, disait qu'il fallait y aller en Ukraine Ben pour oui, c'est sûr, t'as déloger la dit ça. Russie. Il a pris. Ça, c'est un des pires hypocrites, tant qu'à moi, de l'histoire du Québec. Il peut bien avoir mis, il s'est mis dans le dos la pièce où il savait qu'il allait faire la photo de Martin Luther King, de René Lévesque, puis c'est qui l'autre? Il y en a un troisième. C'est un moi à mes yeux, là, Jean-François Lisée, là, c'en est un, ça, que soit c'est un innocent, soit c'est un hypocrite. Il se peut qu'il soit sincère, puis c'est un innocent, En tout dans le cas, ce gars-là sens voulait de. être le président, premier ministre du Québec il y a quelques mois. Il s'était Ça présenté aux n'arrêtait pas. élections pour le Parti québécois. Donc, ça fait partie de la classe de l'élite intellectuelle québécoise. Puis là, il y en a d'autres aussi, là, tu sais, qui veulent que le Canada intervienne puis qu'il aille prêter main-forte Hey. en Ukraine. Moi, là, je dis, là, il faut rester à tout prendre dehors de ça. Là. Puis là, c'est sûr, Trudeau va encore nous mettre dans la marde. Là, on met de l'argent, là, puis on finance, puis on envoie. Il l'a dit, Poutine, qu'il allait retenir que chaque personne qui va avoir appuyé Zelensky, là, son régime. Mais il est en train de nous mettre dans la merde, Trudeau. Moi, j'ai pas envie Ben, d'être en guerre avec Poutine. moi non plus, tu sais. Franchement, c'est quoi? Il est fou, ce gars-là. C'est un hostie de fou. Je Ben, en parle pas fait, de Poutine, je parle de Trudeau, là. oui. Moi, à mes yeux, Trudeau, bien plus dangereux que Poutine. J'ai bien plus peur du gars qui va ouvrir la porte de la cage que de l'ours, moi-là, là. Non, Il mais est là, puis il picosse. Ils sont tous là, le picosser. Hey! Voyons donc. Pour en C'est plus, ça, pour un mais ce qu'a. arrière-cours, la ruelle d'une. Voyons. Mais ce qui arrive, c'est que Trudeau, comme le déclarait Klaus Schwab, puis il y a une vidéo là, qui est enregistrée, ce qu'on voit Klaus Schwab, qui dit qu'il fait partie des jeunes leaders du Forum économique mondial. Là. Fait que là, c'est pas du délire conspirationniste, c'est lui-même qui le dit qu'il fait partie de cette gang-là. Oui. Dès qu'il y a un politicien que tu t'intéresses, là, va voir s'il n'est pas là-dedans. C'est la première affaire à vérifier. Il y en a un, là, il y a le petit bonhomme là, de la CAQ, là, il est tout petit, là. Comment il s'appelle, donc? Il est là-dedans, lui, puis il y en a un paquet, là-dedans. Même, je me demande si Poutine, il n'y a pas eu rapport à ça et tout, le Forum économique mondial, mais c'est comme on en avait déjà parlé il y a quelques années. Je te dis, la Russie, c'est pas un bloc de l'Est, pas un bloc de l'Ouest, puis que là, c'est deux systèmes différents. Les deux sont liés au FMI, puis c'est toute la même. Oui, il y a des instances internationales qui infiltrent les différentes puissances. Le mondialisme, il est déjà fait, ça fait longtemps, c'est des guerres intestines, là. Oui, mais la particularité présente, c'est qu'en lisant l'article de Jean-François Lisée, il était question que 45% des Français étaient favorables à une intervention combinée avec l'OTAN en Ukraine, 61% des Canadiens. Fait que là, l'opinion publique serait mobilisée pour que les pays occidentaux interviennent pour libérer l'Ukraine de la Russie. Ben oui, parce que ça prend une acceptabilité collective, puis pour aller encore. Disons, dans le fond, là, oui, ça peut arriver à une troisième guerre mondiale. Puis ils font tout pour ça. De toute façon, ça fait partie de. C'est ce qui aurait été voulu, le trois guerres, là. Là, je parle au 19e siècle, là, à la fin du 19e siècle. Juste avant qu'il y ait la première, là, quelques années avant qu'il y ait la première. Il est supposé avoir trois guerres. Puis c'est supposé être la dernière, la troisième. Puis il pousse vers ça. Au fond, là, ça montre Poutine comme un malade, un guerrier. Puis c'est l'Occident qui est l'agresseur, à mes yeux, là-dedans, en ce moment. Puis le bloc de l'Est, ils ont tout fait pour le créer. Puis ça prenait un ennemi. Puis de toute façon, là, la Chine, qui est censée être un allié de la Russie, puis au fond, là, on est sur le bord de la Chine, puis est ennemie de la Russie, la Chine. Ça fait un bout de temps. C'est des jeux Ben, d'hypocrisie. quoi qu'ils ont une alliance quand même entre eux, notamment par rapport à l'approvisionnement en gaz naturel, ils ont plusieurs ententes là, entre la Russie et la Chine. Ben oui, c'est gratte-moi le dos, je vais le gratter le tien, mais ça prend pas grand-chose pour que la bibitte te servir de bord, puis là, ça se jappe après, puis ça se grogne après. Les Russes, ils ont fini par comprendre que la Chine était un compétiteur. Puis que tôt ou tard, ça allait. C'est là que je dis. Dans le fond, là, l'Occident est allié de la Chine là-dedans. Puis il y a un jeu d'hypocrisie, il y a un jeu de dupes. Pourquoi? Pour des alliances au niveau du commerce dans le nouveau monde d'après. Donc, si on a beaucoup de chefs d'entreprise occidentaux qui ont démobilisé pour envoyer en Chine, c'est à cause qu'il y a des jeux comme ça. En ce moment, là, comme là, il dit, ah, si le prix du gaz il monte, c'est à cause des convois de camionneurs. Ça n'a pas été long que là, ça marche pas, de toute façon, personne ne croit ça, là. Ça prenait une vraie guerre, là, puis la Poutine, bon. La Russie, au niveau de l'énergie, c'est un des grands joueurs. C'est certain que c'est une guerre de l'énergie. Toutes les guerres, c'est des guerres de l'énergie, que ce soit l'énergie de la force vitale ou bien des supports ou bien l'énergie pour les machines. C'est tout le temps lié à l'énergie. On est dans une planète vampire. Où c'est toujours d'avoir l'énergie de. C'est comme les amibes là, qui veulent se tirer leur fluide là, dans un plat de pétri. C'est ça les lois de la planète. Donc, c'est sûr que c'est lié à l'énergie, entre autres, mais c'est un contexte qui a été créé justement pour voler la vraie énergie, qui est l'énergie vitale. Parce que, au fond, on pourrait fonctionner sans gaz ni pétrole avec les connaissances qu'on a. Puis ça a été voulu pour qu'on soit encore. C'est un peu comme si on nous forçait encore à avoir des lampes à l'huile, parce que l'huile est plus payante que l'électricité, dans le fond, puis au niveau des intérêts, c'est mieux de même. C'est un peu ça, les affaires qui fonctionnent avec le pétrole, Oui, puis. ben moi ce que j'ai compris, c'est que tant aussi longtemps que les réserves de d'énergie fossile n'ont pas été épuisées, ben on va continuer à C'est fonctionner. inépuisable. Ben, Regarde, le pétrole, là, ça, tu peux le fabriquer. C'est des secrets, là. Regarde, ce que je te dis là, c'est des affaires, là, je vais passer pour un fou, là. Mais fabriquer du pétrole, c'est facile. Même, ils vont le faire avec les déchets. T'sais, avec les sites d'enfouissement, tu as juste à suivre une certaine recette, tu peux fabriquer du pétrole. Ça se fabrique en laboratoire du pétrole. OK, Puis je parle mais qui va être rentable. Là. ouais, c'est là que j'allais en venir parce qu'il faut que ça soit rentable aussi parce que Ah c'est ça. oui. Ouais, OK. Ben, le gars, le compost, là. Oui. Tu peux faire du pétrole avec ça. C'est juste d'avoir la bonne recette. C'est une affaire de chimique, mais tout ce que je te dis là, c'est des brevets puis des secrets industriels. Mais tu peux enfouir du compost que tu as récupéré de ta population, puis tu suis les bonnes recettes, puis après tu vas avoir. C'est plus rapide que le monde pense. Ça prend pas des millions d'années à se faire du pétrole. C'est un secret de Polichinelle. C'est des menteries, là. Je m'excuse, là, je vais peut-être passer pour un complotiste, mais il y en a qui le savent, là. Notamment, là, du monde qui ont travaillé, là, dans le temps de Harper, là, qui le savent, là. Du pétrole, ça se fabrique, puis ça prend pas des millions d'années. C'est des recettes, faut t'enfouir ça, puis t'attends. C'est pas long. C'est pas aussi long qu'ils nous le disent. De toute façon, tu peux fabriquer du pétrole avec des déchets, là. Même. En tout cas, là, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a une certaine. C'est pas les affaires que le monde y met dans leur recyclage qui ont une certaine valeur. Pour plus tard, c'est ce qu'ils mettent dans leur compost qui va avoir une grande valeur plus tard. C'est des affaires. Comment je pourrais dire ça? Mais c'est comme du gaz. Il y a façon d'en produire. C'est juste, ça prend les terrains pour. Mais c'est des secrets industriels qui sont extrêmement protégés, qui sont considérés comme extrêmement stratégiques. Puis c'est tabou, on n'en parle pas dans le sens d'un tabou social, parce que ça serait quelque chose qui toucherait à ça, des aspects. C'est tabou dans le sens qu'il y a du monde qui peut, que s'ils rendent public, s'ils savent, vont se faire tuer. Mais il reste que on nous niaise pas mal sur l'énergie parce que le but, c'est de contrôler les gens, les populations. C'est pas. C'est de contrôler des territoires, puis des. Mais il reste que. En tout cas, regarde, là, comme le marché mondial du pétrole, là, ce qui se passe en Ukraine, là, c'est rendu proche de 2 piastres à Montréal. Oui, le coût de Le l'essence gars. à la pompe, là, 1,95, des records jamais égalés en plus de 20 ans. Ben oui, mais comment ça qu'on n'a pas de réserve stratégique de gaz? On est un producteur de pétrole, on en exporte. Ah, on n'a pas pensé à ça. Ben, ils s'en calissent des populations, ils s'en calissent du travailleur, là. Ils s'en foutent là, du gaz d'un truck puis que ça fait monter le prix du manger. Ils s'en foutent, là. C'est pas ça le but, là. Le monde qui mène pour vrai, ils s'en calissent de nous autres. Ils ont compris depuis longtemps que. La mécanique de la planète ici, puis de la nature, plus que le monde va être dans la merde, puis plus tu laisses des lois autorégulées agir, plus que ceux qui ont, à leurs yeux, une valeur, vont par eux-mêmes sortir du lot. Donc, ils veulent pas arrêter ce terrain expérimental-là de difficultés expérimentales Donc, au niveau de autrement l'individu. dit, en créant sciemment de l'adversité, on va générer de nouveaux initiés. Ben, c'est que tu sépares le grain de l'ivraie, le bon grain de l'ivraie, veut, veut pas. C'est sûr, si c'est le diable qui mène, les petits Christ sortent du lot. C'est du monde, c'est des initiés de la connaissance, ils ont une mentalité polarisée au niveau de l'énergie, justement. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie, ça a tout le temps été le même. Ça a tout le temps été comme ça, ce qu'on appelle le prince de la Terre. C'est quoi le prince de la Terre? C'est quoi l'autorité sur Terre? Pourquoi ça marche de même? C'est comment qu'on reconnaît le. Dans le fond, là, c'est une pouponnière un peu. On est en train de faire accoucher des esprits. Un homme, c'est comme une larve. Mais eux, pourquoi ils iraient contre ces lois-là que même ils vont suivre Mordicus sans même les connaître, sans même les voir, sans même les comprendre? Il y a certaines choses qu'ils ont compris, mais ils n'auront pas de respect pour le petit monde. Mais pour être clair, quand que tu parles d'eux autres, tu parles de l'élite mondialiste. Entre autres, il y a plusieurs types d'élites, il y en a même au-dessus de ça, là. Ben, c'est parce que ça, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux. Pour moi, en haut de la pyramide, il y a les êtres sur le plan éthérique qui ont un agenda différent de l'élite mondialiste. Bon, c'est parce qu'il y a différentes pyramides, mais moi je te parle toutes des pyramides matérielles de gens incarnés, là. OK, oui. Mais t'as du monde qui sont même au-dessus de ça ou à côté de ça, là. Puis chacun là-dedans, il essaie de conserver leur espace. Puis c'est sûr que c'est une affaire de. Mais le monde, là, le petit monde, c'est comme. Ils voient ça comme de la ressource, là. C'est comme un terreau. Donc, la classe moyenne, puis il y a des castes, c'est clair, là, puis ça a tout le temps été comme ça. Puis ils s'en foutent. C'est pas important là, que la classe moyenne elle souffre dans le sens que là, on crée de l'inflation, puis là, ça va engendrer de la misère. Puis là, il y a des enfants qui vont aller à l'école plus le ventre vide, puis ils pourront pas performer, puis ils pourront pas se rendre au niveau de ce système de tri-là. Mais possiblement que ces enfants-là, s'ils sont dans une situation de misère, que leurs parents, c'est juste des prolétaires, c'est parce que justement, leurs parents, ils ont une génétique de prolétaire. Donc, l'enfant a moins de valeur aux yeux de certaines. C'est des darwinistes sociaux qui nous mènent. Donc, ils s'en foutent. À un moment donné, il va falloir, si on veut éclore plus vite, là, puis à commencer à devenir humain plus vite, là, devenir du vrai monde plus vite, puis venir à bout de se rendre compte qu'on est gouverné par ce qu'on pourrait appeler quasiment des démons incarnés, c'est-à-dire du monde qui n'ont pas d'empathie, puis qui sont cyniques au niveau technique, bien, il va falloir se rendre compte que il s'en calisse du monde. Il s'en fout de la population. Trudeau, là, quand il dit, oh, là, on continue à travailler très, très fort pour que tous les Canadiens et les Canadiens. Il s'en. Moi, je ne crée pas. Tu sais, je veux dire que n'importe qui se rend compte, il voit que plus c'est haut, plus ça n'a pas de cœur. Il va falloir s'en rendre compte. Ils n'en ont rien à foutre des civils. Regarde, en Irak, là, quand les Américains sont rentrés là, puis qu'on retrouvait des enfants qui avaient reçu des mèches de drill dans les genoux. Ils s'en foutent. Ils ont-tu fait de quoi? Est-ce qu'ils en parlent aux nouvelles? Puis, ils s'en foutent. Les journalistes qui travaillent à TVA, par Radio-Canada, eux autres, ils pensent à leur carrière, leur avancement. C'est des arrivistes. Puis, Oh oui, des voyons, là. opportunistes. Il va falloir que si les gens qui sont dans les plus basses couches de la population veulent être traités plus respectueusement, puis ça c'est au niveau individuel que ça se passe, pas au niveau collectif, il faut d'abord intégrer le fait que en haut, ils t'aiment pas. Puis ils s'en calissent de toi. Puis ça, tant que c'est pas intégré, t'es dans la merde. Ouais, ben faut pas être naïf, faut pas penser que les gens en haut sont des bisounours, des calinours qui sont là pour nous faire plaisir puis qui nous aiment, là. En bas non plus, c'est pas de même. C'est pas de même nulle part. Il n'y en a pas. C'est pas la planète Bisounours, ici, là. C'est une planète vampirique de... C'est lié. Pourquoi il était dit loup? L'homme est un loup pour l'homme. Ça fait partie des lois planétaires, expérimentales, ça, là. Faut falloir intégrer ça. Oui, puis en même temps, ben l'astral est un orgue pour l'homme, dans le sens que c'est encore pire qu'un loup. Ouais. Mais lui, l'astral, ça, c'est l'émanation de ces lois-là au niveau mémoriel collectif, à mes yeux. C'est juste plus insidieux, là. C'est rendu à d'autres niveaux plus subtils. Mais ce qui a créé l'astral, c'est la mémoire expérimentale qui s'enregistrait à mesure sur Terre, entre autres, là. Donc, parce que l'astral pas capable d'être intelligent par lui-même, ça prend faut qu'il vampirise l'expérimental dans la matière. Oui, exactement, parce qu'il n'est pas C'est les capable vivants de... qui nourrissent les morts dans ce sens-là. Puis c'est tellement subtil, on est tellement manipulé, puis il y a tellement justement une guerre de l'énergie à tous les niveaux qu'on finit par vivre selon des lois de la mort. Au lieu de vivre en fonction des lois de la vie et de l'esprit. Ben, c'est pour ça qu'on n'est pas créatif. C'est pour ça que Oui, c'est pas créatif. en général, mais pour en revenir à la situation, parce que je voulais quand même t'amener plus loin sur le commentaire par rapport à ce qui se passe présentement en Ukraine. C'est la question de l'intervention ou non des pays occidentaux en Ukraine, dans le sens que présentement, il y a des pays qui veulent aller livrer des armes en Ukraine pour armer les populations civiles. Et je me pose la question de la pertinence d'agir ainsi. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont là. Ah, les Russes attaquent des civils. OK, fait qu'on va armer les civils puis lui demander d'aller attaquer les Russes. C'est quoi ça, là? C'est que ça n'a ben pas de bon sens. Il y a de quoi qui marche pas, là. Ben, c'est parce que moi, j'ai l'impression qu'on va vivre une situation peut-être similaire à celle des talibans que les Américains avaient armés en Afghanistan, quand les talibans s'en prenaient aux Russes pour attaquer les agents, les éléments aériens, parce que là, c'était dans la période où il y avait une opposition avec des parties interposées entre la Russie puis également les États-Unis. Bon, mais les États-Unis, la CIA, ont donné des lance-roquettes aux talibans pour détruire les armes russes. Puis par la suite, quelques années plus tard, eh bien, les talibans qui étaient les amis des Américains sont devenus leurs ennemis. Puis là, ils ont utilisé les mêmes armes pour faire la guerre aux Américains quand les Américains, suite aux attentats du 11 septembre, ont envahi l'Afghanistan. Bon, ben, leurs alliés d'autrefois sont devenus leurs ennemis de demain, puis ils les attaquaient avec leurs propres armes que quelques années plus tôt, ils l'avaient remis. Fait qu'est-ce que... Il y avait de l'armement russe aussi, là. Oui, bien sûr. Mais quand même, je veux dire, c'est un petit peu ironique que la personne que t'aides puis t'accompagne au combat puis tu donnes des armes, elle utilise ces armes-là contre toi. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que je te dis, c'est des histoires de mercenaires, puis d'intérêt, puis de corruption. Mais c'est parce que la question que je me pose, si on arme les gens en Ukraine, est-ce qu'un jour ça peut pas se retourner contre nous? Ben oui, ben, de toute façon, c'est voulu. Regarde quand ils sont partis les Américains, ils ont laissé des milliards d'armements. Ben oui, ben c'était en Afghanistan. C'est là où il y a eu la guerre des talibans, ça a coûté des milliards, puis ils ont laissé ils ont fait exprès. Hey, c'était neuf dans les boîtes, là. Ils leur ont donné. Quand que Trump il était président, il disait on va avoir la guerre, c'est un homme de guerre. Mais non, c'était clair que c'était quand si on avait un démocrate après qu'il allait avoir une guerre. Ça a tout le temps été même pas mal. Parce que tu peux avoir une guerre avec un républicain, genre d'une famille de Texans pas d'allure, genre comme les Bush, mais Trump, ça m'aurait surpris. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que c'est un gars, lui, de. Puis il est plus lui genre l'or du deal, tu sais. Lui, il préfère conclure des. C'est pas les mêmes vieilles cliques d'avant qu'eux autres, c'est tout le temps de financer des. Bon. Mais là, finalement, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. On va armer les civils ukrainiens dans une opération suicide contre les Russes. On va donner des raisons à la Russie d'attaquer de plus en plus des civils, puis on va cacher de l'armement dans des zones résidentielles de civils, là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je dis, c'est que la résistance est futile. C'est ça que j'aurais à dire au peuple ukrainien. Regarde, la résistance est futile. Collaborer, là, puis ils vont être fins. Tout ce qu'ils veulent, là, c'est que le régime de Kiev tombe. C'est tout. Fait que arrêtez de soutenir Zelensky, là, puis arrangez-vous qu'il y ait de nouveau des élections. Puis au plus sacrant. Puis arrêtez d'aller pilonner les deux républiques là, à l'est, là, puis les Russes, ils vont sortir. C'est tout. Quand, ça donne à rien d'étirer ça, puis qu'il y ait des milliers, puis des millions de morts. On le sait, il y a été très clair. Poutine, puis ce qu'il veut, c'est qu'il veut que ce régime-là tombe, c'est tout. Tant que les Ukrainiens là, vont s'entêter puis soutenir ce pas bon-là, qui est un pas bon puis un bon rien. C'est un pas bon puis un bon rien, Zelensky, tant qu'à moi, là, que c'est un esti de mafieux, là. C'est un agent atlantiste, un agent de l'OTAN, justement, puis c'est pour ça qu'il y a de la marde, là. C'est pour ça que ça brasse. C'est pas normal qu'un petit acteur il soit venu riche de même en deux ans. Il y a de quoi qui marche pas, là. Puis tout ce que Poutine y veut, c'est que le régime de Kiev tombe, puis qu'il arrête la guerre qui est plus vers l'est, les deux républiques qui veulent leur indépendance. Mais c'est Poutine, ça, c'est tout. Puis ils vont sortir vers l'est. Ça donne rien d'armer la population, puis d'étirer ça pendant des mois, puis il va y avoir des millions de morts. Puis là, nous autres, on est en train de financer des millions de morts. Avenir. C'est ça qui se passe. Exact. Si on arme les civils, les civils vont se faire tuer. C'est ça qui va arriver, puis cette guerre-là va s'éterniser. Puis une guerre civile de ce genre-là, même moi, je considère que c'est une guerre civile, dans le fond. Parce que les Russes, ils font juste appuyer une partie de la population ukrainienne, dans le fond. Fait que ça, on sait jamais que ça s'éternise, puis on sait jamais quand ça va finir. Ça donne à rien de détruire tout le pays. Je trouve ça complètement contre-productif. La résistance est futile. Les civils ukrainiens là, qui se rendent et qui collaborent, qui élisent des comités par région pour transiger avec les Russes, là, puis avoir des pourparlers avec des représentants russes, là, puis qui refusent l'armement là, qu'on veut lui donner pour faire étirer cette guerre-là, là, puis on va sauver des millions de vies. Ben, j'ai l'impression... Moi, je réglerais ça demain. Oui. Je le sais que c'est pas ça qui va se passer, mais c'est la logique même. Tu sais, C'est épouvant. C'est les civils qui vont payer. Pas c'est eux autres là, qui servent de. Ils vont éponger Ben c'est ça, parce que le moi j'ai l'impression contre-coup. qu'on risque de connaître une guerre un peu à l'image de ce qu'on a vécu en Afghanistan pendant plusieurs années, c'est-à-dire une guerre où il y a une occupation qui est faite par, bon, dans l'Afghanistan, c'était les Américains, puis les Alliés, puis là, il y avait une fois de temps en temps des gens qui sortaient de mitraillettes ou faisaient des explosions. Fait que ça virait en guerre Ben oui. civile. Hey, moi, là, ici, là, mettons que je décide que, genre, pour mes loisirs puis ma protection personnelle, je vais m'acheter un petit Glock. Bon, ben, j'en ai pour des mois de paperasse puis de patente, puis ça finira plus. Par contre, pour mettre de l'argent pour aller donner des armes automatiques en Ukraine à des enfants de 14-15 ans, ça, on va mettre notre argent. Le Canada, il va continuer l'endettement de sa population pour aller armer des civils qui vont se faire tuer. Ça marchera pas, là. Je veux dire. Là, on nous met dans les médias, la résistance ukrainienne est plus forte que prévu, puis les Russes, ils ont de la misère. Bon, oh, faites-moi croire ça. Les Russes fuient devant les civils. Faites-moi croire ça. Je crée pas ça. Ça va être pire que l'Afghanistan, là. C'est en Europe, là. Ça peut aller très, très vite, puis dégénérer. Puis il s'agit qu'il y ait un imbécile quelque part qui se mêle pas de ses affaires, là, puis avoir une réaction en chaîne, puis on va se ramasser. Ça va l'être, la Troisième Guerre Ben mondiale. c'est ça, c'est que là, au niveau de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, il y a Poutine qui a très bien averti que si un pays voudrait interférer avec l'activité aérienne au-dessus de la Russie, pour en faire un no-fly zone pour les Russes, pour les bloquer, ben, ils interpréteraient ça comme, dans le fond, une attaque là, contre la Russie. Puis là, ça pourrait déclencher la guerre entre la Russie et le pays là, qui serait Ben, c'est impliqué. certain. Regarde là, les sanctions que Trudeau y fait, puis c'est pas les oligarques russes puis Poutine qui vont payer le plus pour, c'est le petit peuple russe, les travailleurs, les familles, les enfants. C'est tout le temps de même. On est là, Poutine, c'est un régime, c'est un pourri, puis c'est pareil, nous autres. Il n'y a absolument rien d'autre sur cette planète-là que des pourris. On peut voir. Surtout à l'époque qu'on vit, qu'on est en fin de cycle, puis qu'on est de l'involution s'intensifie, ça a jamais été aussi pourri. S'ils s'en calissent, qu'à chaque fois que tu mets des sanctions de même, là, comme quand ils décident, ils font des sanctions pour l'Iran, ou là, c'est les sanctions. C'est pas les oligarques ou le régime qui va payer pour. Mais C'est non. des petites familles, puis c'est les petits travailleurs, c'est le petit monde. C'est les paysans que là, ça augmente le prix de leur gaz pour leur tracteur, puis ça continue, ils n'y arriveront plus, puis là, ils ne pourront plus cultiver leurs affaires. Comme la Russie, c'est un grenier, dans le sens que c'est un gros producteur de blé. Pas la Russie, l'Ukraine. La Russie aussi, là, mais l'Ukraine, c'est un grand producteur de blé, entre autres. Ça va tout fucker les prix du pain, là. On va retourner comme avant. Avant la Révolution française, le monde dans les rues pour du pain. C'est vers ça là qu'on ça risque d'aller là, si on fait monter le prix. Regarde dans le temps qu'ils s'étaient mis à spéculer sur l'éthanol, puis ça a fait monter le prix du maïs, puis ils étaient plus capables de se payer de tortillas les familles au Mexique. Ça va être pareil au niveau du blé, mais à puissance 10 là. C'est une base de l'alimentation humaine encore sur Terre, le blé. Il va y avoir de plus en plus d'intolérants au gluten. Il reste que le blé, c'est encore. On n'est pas encore au pain de le pain de criquet, là. Non, mais les Mais ça mondialistes veulent pousse cet nous amener là pour agenda-là. 2030, là, mais ça, c'est un autre sujet. C'est épouvantable. Moi, je vais manger Klaus Schwab avant de manger des bébites, c'est-tu clair? Ben de valeur, là. J'aime bien mieux les côtes de porc que les criquets. Ça n'a pas de bon sens, c'est des fous. On a affaire à. Ils sont là, les fous. Je veux dire, Poutine, c'est une petite affaire là, à comparer de ces malades-là qui ont décidé ça, qu'on allait manger des bébites, Bien, c'est quitte plein de à détruire le protéines, marché du blé, puis puis. ça coûte moins cher à produire. Tu peux produire plus de livres en matière de farine d'insectes que de farine ou de viande animale, là. Ça n'a pas la même vibration. Je veux dire, ça n'aura pas les mêmes effets. Entre autres, une civilisation qui... Non, ça marche pas, là. Désolé, là. J'ai pas envie de vivre d'une société Mais encore comme là, je dis moi, ce actuellement. que je peux te dire, c'est que je mange essentiellement végétarien. Puis moi, c'est mon expérience personnelle, quand que je vendais manger de la viande rouge comme du gros steak, je chantais des fois comme j'avais l'impression de sentir en tout cas l'émotion des animaux qui souffraient ou une lourdeur énergétique Il que n'y aurait je... pas de quoi de psychosomatique là-dedans. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va être sensible à ça. C'est parce que tu y penses. Ça se peut-tu? Il y a ça, mais j'avais des difficultés quand même de digestion qui se présentaient, là. Tu sais, un morceau de steak, là, j'avais de la difficulté à digérer ça. En tout cas, c'est mon Ben, expérience personnelle, là. moi, mon expérience personnelle, que je mange n'importe quoi, je vais avoir des difficultés de digestion. Mais. C'est juste pour même les certains, ça paraît pas, mais certains végétaux, surtout crus, là, c'est difficile à digérer. Quelqu'un qui a un estomac fragile. J'ai moins de difficultés à digérer de la viande que certains légumes. OK. Mais tout ça, c'est pour dire que on a été conditionné à sortir de. On veut nous ramener au Moyen Âge, mais sans les fermes. C'est ça, moi, que je vois. Puis c'est pour ça l'industrialisation de l'agriculture. Moi, j'ai tout le temps été pour. Mais j'ai tout le temps été contre. En même temps que j'ai tout le temps été pour, c'est de la façon que c'est fait que je suis contre. L'agriculture, il faut l'industrialiser dans le sens que c'est les particuliers qui sont des cultivateurs qui aient accès à des méthodes plus rentables puis plus ergonomiques de gestion, mais pas des méga porcheries comme ils ont subventionné tandis que les petits producteurs meurent. Dans le sens que j'ai rien contre mais l'affaire qu'ils veulent faire, dans le fond, c'est vraiment ça, là. C'est nous ramener à un Moyen Âge moral, mais sans le contexte, c'est-à-dire sans la capacité de produire notre nourriture, entre autres. C'est certain que j'ai pas le choix d'être contre, mais admettons que demain matin, l'inflation fait qu'on peut plus acheter de viande. Il va falloir en plus qu'ils fassent des lois un peu encore dans le temps, comme dans le temps au Moyen Âge, qu'il y a juste les seigneurs qui avaient le droit de chasser, parce que les gens, ils vont aller s'en chercher de la viande. On est entouré de. Surtout au Québec, il y a de la faune, là. Donc, ça peut pas. Qu'est-ce que ça a donné, dans le fond, par des décisions gouvernementales, de vouloir tout le temps s'immiscer dans la production de la nourriture? Puis tout, c'est un peu comme dans le temps de Mao, qui avait dit, bon, là, on va tuer tous les oiseaux parce qu'ils mangent les grains. Puis finalement, ils sont ramassés envahis d'insectes. Là, c'est rendu, on va manger des insectes. Ça m'intéresse tellement pas. Mais n'importe qui a un peu de jugeote, il va se trouver pareil à manger, là. Je veux dire, surtout au Québec, tu achètes un slingshot, puis il y a des oiseaux, il y a de la perdrix, il y a toutes sortes d'affaires. Pendant le confinement, les dindes sauvages venaient se promener en avant des maisons. J'ai vu ça, une dinde sauvage promener en avant où on louait une maison. Mais l'affaire, c'est que est-ce que c'est parce que l'humanité se doit d'aller vers une nourriture un peu moins astralisée qui vibre à un autre niveau parce que au niveau de l'organisme, on va évoluer vers on consomme plus de produits animaux. Toi, tu veux-tu manger des criquets puis des grillons? Penses-tu vraiment que c'est plus intelligent? Ben, c'est peut-être plus intelligent dans le sens que si ces insectes-là ont une moins grande conscience Plus que... intelligent, c'est tout le temps dans tous les sens, pas dans un sens. Non, non, mais je veux dire, si, mettons, le bœuf, il y a une plus grande conscience ou la vache qui souffre, où il y a plus de perception que l'insecte, ben moi, à ce moment-là, c'est comme un moindre mal. Je considère que ça n'a pas rapport. Parce que ça, c'est de créer une sorte de. Si on est dans de la projection, là. Je veux dire, j'en ai connu des cultivateurs là, qui tuaient là, dans le temps qu'on avait encore le droit. Puis un bœuf, tu y sacs un coup de masse dans le front, là, il va pas, il va souffrir bien moins que dans les abattoirs industriels comme j'ai vu. Que les vaches sont accrochées par une patte puis levées dans les airs, là. Puis le gars qui fait l'abattage, là, ça c'est quand que, tu sais, il y a un fusil à pression, ça fait un petit trou puis ça envoie de l'air puis ça défait le cerveau, là. Mais les vaches, quand ils rentrent là-dedans, puis ils vont dans l'enclos, là, c'est comme c'est fait qu'ils n'ont pas le choix d'avancer, puis de suivre une certaine trame. C'est clair que vibratoirement, la vache, elle sent des affaires puis tout, mais je veux dire, l'affaire à pression qui rentre, puis là, y a pas, c'est pas une torture, là. C'est pas comme l'abattage rituel que tu les égorges vivants, la tête prise dans. Mais il reste que, tu sais, je veux dire, on s'imagine. L'être humain, là, l'astral, là, c'est quoi? C'est l'imagination. Puis c'est nourri par quoi? Par l'émotion. Puis on était conditionné à se projeter sur des animaux, puis à les humaniser, puis avoir ça pire que c'est, dans le fond. Yeah, là, c'est des paquets d'humains pour des histoires d'agenda, de nouvelles, de remodeler la mentalité de l'humanité, puis d'arriver d'un monde nouveau. C'est des millions, puis des millions, puis des millions de personnes qui vont mourir, puis souffrir. Puis ils ont bien plus la capacité de souffrir que des animaux, dans le fond, quelque part, au niveau psychologique, entre autres, parce qu'un humain, ça va sur d'autres plans, c'est encore plus multidimensionnel. Du monde qui vont souffrir. Épouvantablement, même à des niveaux subtils psychologiques, ils vont en avoir des millions, là. Ils vont psychologiser leur souffrance physique, tu sais, là, c'est comme, je n'ai connu un éleveur de cochons, quand il égorgeait un cochon, il faisait boire une grosse bière, puis, je veux dire, c'est pas des sadiques, là, les cultivateurs. C'est quoi cette nouvelle, moi, là, j'ai bien de la misère avec ça, l'affaire, là, comment ça s'appelle, là, ceux, justement, ils veulent qu'on mange des grillons puis des sauterelles. J'ai de la misère avec ça. On nous force à aller vers ça. Ben, c'est Moi, je suis ça. pour la liberté créative des gens de faire des choix. Oui, exactement. Par contre, au niveau de la moindre souffrance, ce que je dois dire, c'est que, en tout cas, moi, il m'apparaît évident qu'entre faire souffrir un bœuf ou un cochon ou une carotte, la carotte va sans doute moins souffrir de se faire arracher du sol par rapport à son niveau de Ben oui, conscience. mais une civilisation qui se nourrit rien que de carottes, là, ça va donner quoi, comme selon toi, là? Un cerveau, c'est fait de gras et de sucre, entre autres. C'est pas en mangeant des carottes que tu vas faire une civilisation forte Oui, qui est mais aujourd'hui, capable on a les d'avoir. capacités techniques de compenser par des suppléments alimentaires comme la vitamine B12. Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent Ben être oui, pris. mais. Ben franchement, il y a des choses subtiles comme au niveau des cartilages des animaux, puis tout, qu'on peut pas synthétiser encore. On n'a pas encore la capacité de. Puis on comprend vraiment. Dans le fond, ça, on s'en va vers THX puis Soleil Vert, là, avec des idées de même. Tant qu'à moi, là, j'aimerais autant aller vivre avec des Amish, calice. Ben franchement, c'est pour vivre avec une gang de câbles. Ah, oh, ben la carotte, elle souffre moins que le bœuf. Je trouve ça niaiseux. Je trouve ça niaiseux. Ben franchement, on va se mettre à manger des coquerelles. Tu sais, à mesure qu'on donne des droits aux animaux, t'as-tu remarqué que nous, on a de moins en moins de droits, puis qu'on est de plus en plus traités comme du bétail? C'est du nivellement par le bas, d'une égalisation. C'est nous autres qui va devenir des animaux de ferme. L'ironie C'est du nous autres qui sort. devenons. Ben là, les hosties niaiseries de véganisme, je suis pas capable. Ça, c'est astral. Je trouve ça une vibration de marde. Ça me fait penser, gars, l'ordre du Temple solaire, là, à Moronite, dans Laurentides, de leur ferme expérimentale qu'il lavait 15-20 fois la tranche de salade. Puis, voyons, c'est des vibrations de mort, hostie, qui mènent à pas vouloir, justement, être capable de prendre l'énergie d'un animal pour bien vivre. Parce que quelque part, c'est bien de valeur, mais il y a une hiérarchie sur cette planète-là. Va falloir à un moment donné accepter les lois de la vie, puis arrêter de se créer de. L'astral, là, c'est juste de l'imagination nourrie par de l'émotivité, puis c'est pas intelligent. On s'en va vers des sociétés d'innocents, puis de cabochons. Tu sais, c'est comme déjà dans les années 50, imaginez le futur, on va manger des pilules. Hey! Il n'y a personne qui avait la sensibilité vibratoire de voir ce qu'il y avait en arrière de ça. À part des fois du monde qui avait une certaine spiritualité, des fois ils sont plus sensibles aux vibrations, puis ils disaient c'est le plan du diable. C'était subjectif au niveau de la forme ce qu'ils disaient, mais pour le fond, ils ont raison. C'est bien une valeur, mais moi, regarde là, penses-tu que les Chinois ils vont se priver de manger des animaux eux autres, mais qui mènent? Non, Voyons je donc, pense pas. ils prennent des dissidents puis ils lui ramassent les organes, puis pendant ce temps-là, ils sont là, oh oui, vous avez pas tort, les droits des animaux. C'est une américanisation de la Corée du Sud qui fait que ça m'attend. Moi, je m'en vais en Corée du Sud, puis je veux goûter à ça, la soupe traditionnelle aux chiens. Je peux pas, parce que c'est de moins en moins accepté en Corée du Sud. C'est de plus en plus. Ils ont été américanisés, tu sais. Puis cette espèce de mentalité-là, ils sont, d'une certaine façon, là, il y a une évolution intelligente quelque part. Parce que moi, ce serait même, je dis même par curiosité, c'est rien qu'un exemple que je donne. Mais oui, là, c'est correct, jusqu'à un Bon. certain point. Mais il reste que si la majorité des Coréens, au niveau de leur identité culturelle, ils avaient gardé l'attrait pour ça, puis qu'ils voulaient conserver ça, ben ils ont le droit. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que tu serais à l'aise aussi pour que les gens en Espagne continuent leur corrida ou ce qu'ils vont blesser C'est des pas de mes taureaux? affaires. C'est leur culture, c'est leur pays, c'est leur expérimental collectif à eux autres. C'est pas de mes affaires. Mais là, de blesser Je peux avoir avec des l'opinion épées que je trouve ça cruel, puis je des trouve taureaux. ça barbare. Ouais. Mais j'ai pas d'affaire à arriver en Espagne puis dire, ben moi, je t'interdis ça. Parce qu'au niveau de mon avancement là, en tant que mondialiste végan, et pis ça, puis tout, qu'est-ce que tu voudras, je suis plus évolué que vous autres. Donc, j'ai le droit de vous dire que c'est interdit, c'est pas correct. Tant que les Espagnols, collectivement, ils veulent en continuer à faire des corridas, qu'est-ce que tu veux faire? Les picadors, puis toutes ces affaires-là. Non, non, mais je comprends que c'est leur chose, mais moi, un peu comme Bernard de Montréal l'avait déjà mentionné dans un de ses enregistrements, parce que lui, il a initié la conscience supramentale au Québec, puis il mentionnait que, dans le fond, les gens qui font de la chasse, éventuellement, tout seuls, vont arrêter de faire la chasse parce qu'ils n'ont plus la sensibilité pour ça. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose avec eux autres, quand ils n'auront plus la sensibilité d'enfoncer C'est pas de des ça que je épées dans parle, des... moi, là. Moi, c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est là où ce qu'on vient imposer. Quand tu veux imposer de l'évolution, c'est de l'involution. Mais là, ça devient intéressant ce que tu amènes parce que, après tout, les forces du plan éthérique imposent une programmation à l'âme pour l'amener à évoluer. Oui, toujours. Mais je te parle quand un ego veut imposer au niveau d'une idéologie ce qu'il considère lui comme une évolution à un autre individu, c'est de l'involution. Parce qu'il y a de la dominance. Donc, c'est subjectif. C'est ça que je veux dire. Oui. Dans le sens que si moi j'arrête de manger de la viande parce qu'un gouvernement me force, c'est involutif, puis même c'est satanique quelque part. C'est luciférien. Dans le sens que je veux dire, c'est quoi qui a construit? C'est la base de notre civilisation, ça s'est fait tout seul, il faut que ça se défasse tout seul selon des lois de la vie. Pas par l'imposition, pas par la contrainte, pas par. Parce que sinon, tu vas créer de l'opposition. Non, non, mais je suis d'accord avec toi au niveau de l'ego. Là, c'est important de faire des nuances. Par contre, l'imposition d'une programmation à l'âme par le plan éthérique pour l'amener à Pas sortir de pareil, là, c'est pas le même l'involution. niveau. Moi, je te parle, ceux qui veulent nous faire manger des bébites, ça vient pas du plan de. Ça vient pas du plan éthérique, non. Ben non, voyons là. Ça vient de des idéologies par du monde dans des universités qui sont pas dans l'expérimental, sont trop dans le théorique, spéculatif, subjectif, puis qui ont été conditionnés par des intérêts, puis qui sont plus dans la réalité, puis qui veulent imposer leurs illusions aux autres. On est en train de détruire des industries, on est en train de détruire des ressources, on est en train de détruire un paquet d'affaires pour imposer de force une façon de vivre aux populations. Ça, c'est luciférien. Ben oui. Donc, l'affaire que moi, j'ai pas le droit de m'élever un bœuf puis de l'abattre moi-même, moi, à mes yeux, il y a un problème. Je trouve pas ça correct. Mais c'est parce qu'eux Puis. autres, ils vont dire que c'est pour bien faire, c'est pour empêcher la Effectivement. cruauté contre l'animal, puis c'est pas tout le monde qui sont conscients, puis bon, c'est comme un nouvellement vers le bas, au cas où quelqu'un ferait mal ça, ben on empêche tout le Hey, monde, puis on standardise ça. ça fait 400 ans là, qu'on élève des animaux, puis les Canadiens français, ils aiment leurs animaux. Moi, le père de ma mère, il s'occupait des chevaux, puis il défendait des chevaux quand ça n'avait pas de bon sens, là. Il dans le bois, là, il voyait du monde battre des chevaux avec des chaînes, là. Il arrivait à côté du gars, puis il disait, il a refait ça pour le fun. Tu le vois bien qu'il n'est plus capable, ton cheval. T'sais, dans le sens que, oui, il y en a des épées, il va tout le temps en avoir. Est-ce qu'on va se mettre à détruire l'espace de possibilités créatives à la totalité des gens, tout le temps sous le prétexte encore des bonnes intentions? À cause qu'il y a des imbéciles, il va tout le temps en avoir des imbéciles. Gars, il y en a qui maltraitent le chien puis le chat. Est-ce qu'on va interdire les chiens et les chats? Non, ça, je comprends. Regarde là, qu'est-ce qui est arrivé, la petite à Granby qui était martyrisée, là. Ils servent de ce cas-là, puis là, ils vont enlever la primauté parentale. En prétextant des cas comme celle-là, c'est un cas, là. Les Canadiens français, au nombre d'enfants qu'il y avait, là, penses-tu qu'on est si cave que ça? On était conditionnés à plus en avoir, puis là, on va être conditionnés à plus avoir de lien. Il n'y a plus de lien là, psycho-affectif avec les enfants. Il y a, elle a la maltraitance. Ça commence là. C'est rendu les enfants de l'État. C'est eux autres les plus dangereux. Tu sais, c'est tout le temps sur des bonnes intentions, puis dans une idée polarisée de faut prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Puis la prévention, ça devient la maladie, là. Oui, exactement. C'est sûr que ça fait partie du paradoxe. Puis là, si on fait le lien avec ce qui se passe en Ukraine, c'est pour prévenir la dégradation plus grande de la condition ukrainienne qu'on voit Ça va les armées. l'engendrer. Ben oui, c'est ça. Donc. Mais le monde qui sont derrière ça puis qui poussent ça, ils le savent. Ils sont cyniques au sens, pas au sens l'école des cyniques dans le temps, mais au sens, ils sont cyniques dans le sens des calculateurs froids. Puis ils s'en calissent de la population ukrainienne, ils s'en foutent. Ceux qui sont en train de voter des budgets pour armer des civils, ils s'en foutent d'eux autres. Eux autres, c'est ça, puis c'est le pouvoir. C'est l'énergie, puis c'est... En tout cas, c'est sûr que peu importe c'est qui prend le dessus en Ukraine, que ce soit les forces russes ou ukrainiennes, les fabricants d'armes, puis leur lobby, c'est eux autres qui s'enrichissent à tout coup. Ah, c'est ça. C'est comme... c'est comme ceux qui prêtent l'argent. Exactement. Tu perds ou tu gagnes, tu dois. Ben, c'est ça sur les intérêts. Donc, les banquiers qui prêtaient aux belligérants dans le passé des pays ennemis, peu importe lequel des deux qui gagne, dans tous les cas, ils gagnent parce que les deux ont une dette envers l'institution financière par Oui. la suite à régler. Ça va être poussé à pousser tout le monde à saillir parce que faire la guerre parce que c'est payant. Exactement. Puis là, on voit qu'est-ce qui se passe. Là, on dit qu'on est rendu avec 1,5 million de réfugiés de l'Ukraine, qu'il va falloir qu'ils aillent dans d'autres pays. Puis là, le Canada, nous autres, avec nos grandes armes spirituelles, on veut les accueillir. Ben Puis. ouais, ben là, ça fait encore plus de monde que tu peux endetter là, quand tu empruntes au FMI. Tu dis, moi, j'ai tant d'habitants, j'ai tant de millions d'habitants qui sont en âge de travailler, qui peuvent rembourser la dette que je contracte à leur nom. C'est n'importe quoi. C'est des transferts de. Je trouve ça bien épouvantable. On n'est même pas. Comme là, il passait à la télévision une affaire, une émission sur la protection des frontières. Puis, quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Je veux dire, ils ne sont pas protégés, les frontières, c'est juste faut que tu saches où, par où passer. Parce que c'est de l'hypocrisie. C'est comme, je vais. Quand tu es complice de certaines choses, ben, puis que tu es hypocrite, ben, tu défends la porte en avant, là, puis tu laisses les fenêtres ouvertes sur les côtés. Puis, le pire, c'est que. Au fond, notre pays, il est bien plus intéressé à faire entrer des mauvais immigrants sans appliquer aucune sélection que des bons, parce que les troubles sociaux vont servir de prétexte plus Pour tard. justifier de mettre des mesures de contrôle, voire l'identité numérique et le crédit social. Et voilà, donc le chaos va venir justifier un ordre que toi, tu veux imposer. Puis c'est tout le temps comme ça. C'est la même affaire de vouloir imposer, de dire au monde de quoi manger, puis de comment vivre leur vie, ce qui est bien, puis ce qui est bien. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est là que. Moi, l'affaire, c'est pas il y a quelque chose de bien, puis il y a quelque chose de pas bien. Mais si tu m'imposes mais ce qui est ton idée de ce qui est bien, puis ce qui est pas bien, ça, à mes yeux, c'est pas bien. Dans le sens que il y a des limites raisonnables. Comme là, beaucoup, ils vont beaucoup parler ces temps-ci des sectes qu'il y a eu au Québec dans des reportages, en disant c'est des ah oh, la religion. Mais ils vont pas faire la différence entre une secte qui est un phénomène social organisé, puis les religions, que c'est plus vaste comme phénomène. C'est-à-dire qu'il va y avoir des amalgames. Les mêmes qui disent pas d'amalgames, c'est parce que c'est des champions pour faire des amalgames. Puis c'est tout le temps lié à le contrôle, si on peut dire, du psychologique. Fait que c'est tout le temps le même. C'est bien tannant. Là, on va avoir plein d'immigrants ukrainiens. C'est pas une mauvaise chose. Mais c'est du monde qui sont déjà. Qui ont déjà une certaine vision du monde. C'est sûr qu'ils vont voter pour genre comme Trudeau, ce monde-là. Ben oui, ils vont voter pour le Parti libéral, comme beaucoup d'immigrants. Là, ça m'étonnerait qu'ils votent pour le Bloc québécois. Ben oui, puis est-ce qu'ils comprennent le contexte? Ben non. De toute façon, c'est comme s'il n'y avait plus de politique locale, c'est des politiques globales. Donc, c'est pas grave. Tu vas avoir le droit de vote en arrivant, même si tu connais pas le contexte. Puis, c'est de la manipulation. Exactement. Parlant de manipulation, je voulais t'amener à te prononcer aussi sur la manipulation des médiatiques un peu plus en détail, parce que là, je trouve ça très particulier ce qui se passe. J'écoutais récemment Radio-Canada et TVA qui dénonçaient la Russie qui censure les journalistes, et qui censure également Twitter, Facebook, puis que là, il y a des journalistes de la BBC, des grands médias occidentaux qui sont obligés de partir parce qu'ils sont menacés que s'ils ne disent pas des choses qui vont dans le sens du discours sur place, ils peuvent avoir jusqu'à 15 ans de prison puis des représailles. Puis ils disent qu'il y a de la censure en Russie, mais eux autres, silence radio sur la censure qu'ils peuvent exercer en lien avec la crise actuelle. Puis, ils ont déjà fait beaucoup de censure pendant la crise de la COVID, hein, tu sais, d'informations. Plus qu'en Russie. Ben, c'est ça que je me pose comme question, là, depuis 2 ans, là. On n'a jamais vu de débat honnête à Radio-Canada entre ceux qui sont pour ou contre les mesures. Toutes les gens qui étaient opposés aux mesures étaient étiquetés de complotistes. Puis là, on traite Poutine de méchant parce qu'il censure les médias dans son pays. Ben, c'est tout le temps le phénomène justement de projection. Genre, c'est ça de la censure. Ils vont t'expliquer, c'est ça de la. Ce qu'ils citent au Canada, c'est pas de la censure. C'est parce qu'il y a du monde que leur opinion est inacceptable. Ils vont moraliser le terrain pour subjectiver le propos. C'est des vieilles, vieilles techniques qu'avant on apprenait, entre autres, en tout cas. Mais il reste que. C'est tout le temps, c'est sûr. Le bien puis le mal vont changer de place dépendamment de t'es où. Puis qui, tu sais, je veux dire, la censure des Russes n'est pas correcte, mais notre censure, nous autres, c'est pas de la censure, c'est de la modération. Pour avoir un débat sain. C'est pour ça que j'ai tout le temps dit, c'est ceux qui contrôlent le langage, qui ont le pouvoir. Parce que c'est rien que la sémantique, là. C'est tout, là. Ils sont tous pires. Au niveau de la censure, c'est certain qu'ils sont pires. Est-ce qu'on a attendu qu'il y ait des précédents de gens arrêtés avant de rappeler tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réellement analysé ça, ces lois-là qui viennent de voter? Nous autres aussi, c'est un certain discours, tu peux te faire mettre en prison. Ben c'est ça, où les gens qui ont perdu leur travail, atteinte à la réputation. T'sais, on pense à Melega François qui a été en prison au Canada parce qu'il refusait de porter le masque. Ben, ils l'ont acquitté. Là, ils ont compris que ça le servait de le garder en prison. Mais gars, l'autre, Tamara Lich, est encore en prison. A rien fait qui justifie ça tant qu'à moi. Là. Ben, t'es encore en prison. Je veux dire, c'est pas pire que. Bon, c'est sûr, nos prisons sont plus le fun qu'en Russie un peu parce qu'en Russie, ils ont des vraies prisons. Ici, c'est quasiment. Disons que c'est plus prisons, confortable que ça peut être dans d'autres pays. Là. Bon, on est loin des cachots. Là. Oui. T'sais, moi, l'image que j'ai d'une prison, là, c'est un endroit humide qui fait noir, puis que tu as juste un petit peu de lumière pour des raisons de logique, parce qu'il faut que tu vois le coin où tu as le droit d'aller chier, où il y a de la paillasse, là, il y a du foin. Puis on te met de la paillasse, là, c'est-à-dire que tu as du foin pour que tu ne pas dormir directement sur le sol, là, pour pas que tu pognes la grippe ou la pneumonie en dormant direct sur la pierre ou le ciment. Puis, tu sais, puis pour être sûr que tu ne te trouves pas le soir, on t'attache au mur avec T'sais, on te met une chaîne avec tes tatouages pour pas que tu puisses trop zigonner dans ta cellule. Puis moi, ouais, mes yeux, c'est ça, une cellule de prison. Mais maintenant, ça a bien gros changé, là. Je veux dire, la prison est plus psychique, de plus en plus. Dans les sociétés occidentales, là, civilisées puis évoluées, avec des notions humanitaires et tout, il y a de moins en moins de vraies prisons physiques. C'est les contraintes sont de plus en plus psychiques parce qu'ils vont atteindre le physique par le psychique. La police, t'es mieux de la mettre dans la tête du monde, comme ça coûte moins cher que de la mettre dans la rue. Ben oui, ben on voit que des gens avec des bracelets de surveillance avec moniteur GPS pour surveiller leurs déplacements. T'sais, si la personne est accusée d'agression sexuelle, bon ben elle se tient à une certaine distance de son ex-conjointe ou des choses comme ça. Ben ouais, fait que là, elle va aller, ben, comme agression sexuelle, elle va aller vers d'autres victimes. Je veux dire, c'est ridicule. Je trouve ça, c'est naïf, là. Prends un agresseur sexuel, tu y mets un bracelet numérique pour pas qu'il approche de sa victime. Là, c'est parce qu'il y a un potentiel de victime autour à l'infini. Ça se tient pas, là. Tu vas Ouais, tu vu mettre comme ça. un bracelet à toutes les victimes potentielles pour surveiller qui s'en approchent pas. Le but de ces technologies-là, c'est que tout le monde ait quelque chose qu'un GPS tout le temps avec lui. C'est comme moi, j'ai jamais eu de cellulaire, j'ai jamais eu de téléphone intelligent. Mais c'est parce que dès que j'ai tout le temps résisté à ça, parce que je vois quelque chose là-dedans, je vois quelque chose qui. Mais ça, de plus en plus, ils vont s'arranger pour que j'aie pas le choix. Mais même là, j'accepterai jamais d'avoir. Je veux pas avoir un GPS et me promener tout le temps avec. Pas parce que j'ai de quoi me reprocher, par principe. C'est juste. Tous les criminels, ils vont servir de prétexte pour contrôler la totalité du monde. C'est ça, moi, que je trouve qu'il n'y a pas d'allure. Que je dis l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est que tu as tout le temps une minorité de pas corrects qui vont servir de prétexte pour imposer de quoi à une majorité. Dès qu'il y a eu une majorité de gens qui assuraient leur véhicule, ils l'ont rendu obligatoire. Ouais, mais c'est peut-être la même chose qu'ils veulent faire avec le passeport injectable. C'est ça. Ben, ils sont pas venus à bout. Ils ont un gros problème, parce que c'est ce qu'on a, les constitutions, entre autres, puis certaines choses qu'on a signées. Mais hier, j'écoutais. Qu'est-ce que j'ai écouté hier? Je pense que Tout le monde en parle. Puis. Il y a Sam Yan, qui avait ils ont mis un extrait d'une chanson, puis dedans, il dit la Constitution canadienne, c'est un génocide. C'est dans les choses les plus stupides que j'ai jamais entendues. Désolé, là, c'est vraiment con, ça, là. C'est tout ce qui nous reste, là. C'est le fait qui fait qu'on y a encore un petit peu des démocraties, puis ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des sociétés libres, c'est qu'il y a encore des constitutions. Parce qu'il faut aussi clarifier qu'est-ce qu'on entend par constitution, dans le sens que si elle implique qu'en situation d'urgence, les droits et libertés ne sont pas des absolus mais Ben oui. relatifs, mais ben là, c'est-à-dire que tu peux tout le temps dire, ah, il y a un état d'urgence, puis tu enlèves tous les droits, puis tu es correct selon la constitution, parce qu'il y a une clause qui permet ça. Ouais, là, ça veut dire qu'elle est altérée, ta constitution. Mais à la base, le droit de circuler, le droit de culte, c'est tous des droits constitutionnels. Mais moi, ce que j'ai compris d'un avocat Ça constitutionnaliste dépend d'un pays à l'autre. que j'ai écouté par rapport à la situation, c'était au Québec ou au Canada, c'est que ces éléments étaient là, étaient relatifs, étaient subordonnés à la menace sanitaire dans le contexte actuel. Parce qu'au moment où on se Oui, parle, au parce mois de qu'ils ont voté mars. des lois ils ont voté des lois spéciales. Fait que là, la Constitution, tu peux l'agréger, l'abroger, ça dépend qui est au pouvoir. Regarde la loi spéciale à Trudeau, il l'a finalement lâchée. Pourquoi? Parce que ça passait pas, sans probablement, au Sénat. Mais il reste que ça avait passé. Ça avait passé au Parlement. Les différents partis politiques avaient voté pour à majorité. Mais 24 heures plus tard, ben c'est ça. Ça a tombé. Puis moi, je voulais aussi t'interroger là-dessus aujourd'hui parce que ça a été pour moi comme un coup de théâtre quand on a appris 24 heures plus tard que ben finalement, il allait reculer là, par rapport à ça. Ben là, on passait bien rapidement d'une crise à une autre. Peut-être Trudeau n'était pas au courant de tout. Mais j'avais dit, mais je vais avoir une guerre. On va sortir d'une crise sanitaire pour entrer dans une crise économique puis une guerre. Mais l'affaire que moi, je pensais que. Je le savais que le NPD il allait faire passer ça, là. même je l'avais dit, là, mais dans une vidéo, il me semble, j'avais dit comme de... Dans le fond, c'est le même parti, là, le Parti libéral, puis le NPD. Là. Dans le fond, c'est, si on peut dire, le parti mondial. Là, Ben, les deux sont mondialiste. mondialistes puis hyper Ben oui. interventionnistes. Fait que moi, je n'étais pas surpris de la part du NPD. J'ai. Puis, tu sais, comment ça qu'il y a des authentiques dans les libéraux puis le NPD, ça me surprend. Parce que quand tu reçois ton baptême sikh, entre autres, tu fais le serment, c'est entre autres la libération du Punjab. Est-ce que le fait de militer politiquement au Canada peut aider à libérer le Punjab? Je veux dire, ça, c'est supposé être ça la C'est priorité quoi dans le le sikhisme. Punjab? Ben, c'est la région des sikhs, là. C'est En là qu'il y a le Inde? temple d'or. Oui. OK. Puis le but, c'est que ça les libérer de libérer la région parce que là, présentement, elle est occupée par un autre peuple. Ben, ce qui arrive, c'est que l'histoire de l'Inde est assez complexe. T'as eu les Moghols. Les Moghols étaient musulmans, puis il y a eu tout le temps eu des chicanes entre les musulmans puis les hindous en Inde. Puis à un moment donné, t'as eu Guru Nanak. Lui, si on peut dire, il a transcendé les deux religions, puis il s'est rendu compte qu'il y avait de l'intelligence qui transcendait ça au-delà de ça. Puis il a créé le sikhisme, qui jusqu'à un certain point est basé sur l'idée que l'hindouisme puis l'islam sont pas nécessairement contradictoires si t'y regardes comme faux, là, intelligemment, mettons, là. Tu sais, je veux dire, en tout cas, il a réussi à. Puis les Sikhs, finalement, ce qui est devenu leur région, leur vraie région, c'est le Punjab. C'est là qu'il y a le temple, leur temple, le temple d'or. Puis quand tu as ton baptême sikh, quand tu es sikh, tu n'es pas obligé de porter le turban puis les attributs comme le bracelet puis l'espèce de culotte blanche qui ont dans le tour de leur linge puis le kirpan. Puis... Mais si tu as fait vraiment ton baptême sikh, c'est un peu comme tu es marié là, au niveau de ton karma à la cause collective des sikhs. Puis tu es censé, entre autres, aider un jour le fait que le Punjab reste, parce qu'ils ont tout le temps été quand même. Puis les Sikhs, en passant, c'est. Si vous allez en Inde, là, si vous vous tenez avec des Sikhs, vous allez être en sécurité. Je veux dire, c'est dangereux, l'Inde. Puis les Sikhs, c'est quand ils ont quand même une certaine moralité rigide, un peu. Mais ils sont très ardents. Quand ils décident qu'ils se battent pour une cause, là, ou qu'ils pensent qu'une cause est bonne. Mais je sais que quand tu as ton baptême sikh, tu es censé que tes énergies, une grande partie de tes énergies, entre autres, tu fais serment, c'est supposé aller justement pour les intérêts du Punjab. Parce qu'il y a tout le temps eu il y a tout le temps eu à cause des différentes guerres qu'il y a eu, des différents conflits qu'il y a eu, il y a tout le temps eu une volonté de créer un Punjab qui est indépendant de l'Inde. D'une certaine façon, de bien des façons, là, pour qu'il y ait un droit décisionnel sur leur territoire, là, où ce que le Temple d'Or, entre autres, puis qu'il y a une grande majorité de Sikhs. Les Sikhs, qui ont des grandes qualités, c'est des gens, t'sais, à cause justement de la culture, de le sikhisme, là, c'est du monde qui sont bien, bien loyaux, puis qui vont être d'une certaine droiture. Puis, mais moi, je trouve ça bizarre qu'on ait des Sikhs autant dans le Parti libéral puis dans le NPD, parce qu'à mes yeux, ça n'a pas rapport avec le Punjab. On est plus dans une espèce de continuité de l'Empire britannique d'un certain ordre, puis qui a rapport avec le mondialisme, dans le fond, qu'au fond, pour moi, le mondialisme, c'est les suites de l'Empire britannique. Puis c'est entre autres lié au financier, puis au colonialisme qui devient financier. Entre autres, c'est plus les banques là, qui vont mener. Parce qu'il y a eu à un moment donné, en tout cas, c'est compliqué tout ça, Non, là. non, mais je comprends. C'est une forme de néocolonialisme qui s'opère avec Ben, le c'est processus de mondialisation. l'ultralibéralisme à l'anglaise. Au fond. Mais pour en revenir au cycle, pour bien comprendre. Toi, tu trouves pas ça logique que les gens qui veulent le Punjab s'affilient au Parti libéral ou également Non, là, je comprends même pas ce qu'ils font ici. Moi, avoir prêté, être sikh, puis avoir prêté serment, puis je serais au Punjab, là. À moins que je puisse à l'extérieur pouvoir, par en dessous, là, travailler aux intérêts de ma gang chez nous. Mais à part ça, je viendrais pas. sais, je veux dire, c'est pas, il n'est pas encore libre, le Punjab. Il est pas encore, sont encore sous l'autorité de. C'est pas pour rien qu'il y a eu que ça a créé tellement de problèmes, qu'il y a eu les attentats d'Air India, puis Indira Gandhi, c'est ses gardes sikhs qui l'ont tué. C'est très délicat, là, ces choses-là, ces questions-là. C'est d'une certaine complexité, puis c'est lié au karma, entre autres, de l'Inde, mais c'est lié à nous autres aussi, parce qu'on fait partie de l'Empire britannique, veut pas, puis les lois de destinée collective font que. Qu'on s'en rende compte ou pas, on est lié à l'Inde par l'Empire britannique. Puis c'est pas surprenant qu'il y ait des Sikhs dans des partis politiques au Canada, ne serait-ce que par des lois vibratoires. C'est pas surprenant. Tu sais, c'est bien moins surprenant que s'il y avait des Sikhs dans. Si je voyais des Sikhs dans le Parti républicain au Texas, là, je serais surpris. Parce qu'il n'y a pas les mêmes lois vibratoires d'intérêt puis d'historique. Puis bon. C'est comme que il y ait dans certains quartiers de Toronto qu'il y ait un lien avec que certains Chinois s'impliquent politiquement, ça me surprend pas. Parce qu'il y a à cause de bon au niveau historique puis tout puis mais il reste que quelque part moi je trouve ça bizarre. J'ai comme on a eu un ministre de la Défense qui est un Sikh, je trouve ça. On ne tient pas compte du fait que le sikhisme, c'est quand tu prononces que tu as ton baptême, puis ça fait partie de la personne. Ben, c'est ça. La question se pose à savoir, est-ce qu'elle va donner allégeance en priorité à sa religion ou au pays qu'elle est censée servir? Parce que le sikhisme, pas juste une religion. C'est politique aussi, quelque part. C'est là où que ça devient délicat. Ça devient délicat. Parce que. C'est comme d'oser dire ça. Pourtant, moi, j'ai pas de problème avec les Sikhs, là. Mais j'ai un problème avec Jack Meeting. Puis j'ai un problème d'avoir qu'on en avait un. Parce que je m'interroge. Je m'interroge. Parce que, contrairement à une grande majorité de Canadiens, le sikhisme, je sais un petit peu. C'est quoi? La plupart du monde ne savent pas, Oui, là. mais toi, tu es un petit peu comme une encyclopédie vivante, là. T'sais, tu sais plein de choses sur plein de sujets, tu es très documenté. Ben, c'est que j'ai eu un intérêt. À un moment donné, quand tu es sur une planète, qu'il n'y a personne qui dit la même affaire, ils sont tous dans des clics, tu te poses des questions, tu dis c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ces affaires-là? Comment ça se fait que tout est fragmenté sur cette planète-là? Comment ça se fait qu'ils disent toutes la même affaire, mais ils disent pas la même affaire en même temps? Je veux dire, comme à un moment donné, j'ai voulu savoir c'était quoi le sikhisme, puis j'ai voulu comprendre ça sortait d'où. Mais tu as Ben, cette quand il y a eu. curiosité-là, tu sais, je prendrais sans doute 100 personnes sur la rue, puis il n'y en aurait pas, en tout cas très rares, qui seraient au courant de c'est quoi. Mais ben, tu sais, c'est un peu comme pourquoi là, en ce moment, t'as une troupe de danse du Falun Gong qui fait des spectacles au Québec là, en ce moment. Puis il annonce dans l'annonce la Chine avant le communisme. C'est politique, là. Il y a quelque chose là. Pourquoi, là, comme là, la Chine, là, il y en a qui disent ouais, ils pourraient profiter de la faiblesse de Biden pour rentrer à Taïwan. C'est quoi Taïwan dans les faits? Pourquoi qu'il y a une chicane? Pourquoi? Parce que c'est ce qui reste de la vraie Chine. C'est la vraie Chine, Taïwan, là. C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est bien dommage, là. Encore là, c'est délicat. C'est tellement délicat. Il n'y a pas une culture sur cette planète-là que j'aime pas. Tu sais, je veux dire, c'est comme j'avais pas le choix d'aimer tout le monde. Je finis. Si j'étudie un peu quelque chose, je finis par avoir une certaine empathie, puis une certaine. Mais je peux pas avoir d'empathie pour le communisme. Je peux pas avoir de. Ça fait pas partie de. Je le vois que c'est des forces anti-hommes qu'il y a derrière ça. C'est des forces anti-vie. Je peux pas avoir de sympathie pour les affaires de mouvement woke puis d'affaires de même parce que je le vois la manipulation dedans. Je peux pas. Quelqu'un qui est cheveux verts puis qu'il y a une barbe avec des tresses puis une toque sur la tête puis qui mange des grillons, je peux pas avoir d'empathie ou de sympathie. Je suis pas capable parce que je vois quelque chose là, je vois quelque chose en arrière. Je vois des forces que j'y connais. Dans le sens que c'est comme je vais être contre les traditions quand c'est plus ajusté puis c'est plus intelligent. Mais les vieilles forces qu'il peut avoir en arrière des forces de destruction, de structures qui ont aidé à gérer de l'énergie pendant des siècles, puis que c'est pas le temps de les jeter à terre, là, je vais être. C'est pour ça que l'affaire qu'il y a la liberté de culte garantie par la Constitution au Canada, que pour les histoires de COVID, que tant qu'à moi, ça n'a pas été démontré comme faux, que je vais toujours être contre qu'on empêche le monde d'aller à l'église s'ils n'ont pas leur passe vaccinal. Il y a de quoi qui marche pas. Donc, je vais être quelqu'un de conservateur quand c'est le temps. Puis je vais être progressiste quand c'est le temps. À mes yeux, il n'y a pas de gauche, puis il n'y a pas de droite. C'est-à-dire que je vais quand c'est ajusté, puis c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire, je vais être de gauche. Quand c'est ajusté, puis ce qu'il y a de plus intelligent à faire dans un contexte donné, je vais être de droite. Ouais, ben autrement dit, tu suis la vibration en priorité avant l'agenda d'un parti Ben politique. oui, j'en ai pas moins d'idéologie. Moi, je suis sur le bord de si on peut dire, là, ça peut avoir l'air fou de dire ça, mais moi, je suis sur le bord de la lumière, je m'en fous de la forme. Quand quelque chose n'a pas d'allure, il n'a pas d'allure, c'est tout. Puis en ce moment, plus ça va, plus on nous noie le poisson en disant, ah, oh, les droits humains, les droits des animaux, blablabla, puis on respecte de moins en moins les humains. On respecte de moins en moins les individus en parlant, ah, oh, les droits humains. Les droits humains, c'est pas rien que collectif, c'est surtout individuel. Et là, la notion de liberté. La liberté d'un collectif qui va m'imposer en tant qu'individu quelque chose qui va contre. Non, il y a quelque chose là-dedans qui marche pas. C'est tout. C'est comment je pourrais dire ça? Regarde, dans le temps, dans les écoles, tu avais la règle des 3 R. Récitation, répétition. Ça allait parce qu'il y en avait une certaine connaissance, les lois de l'âme. Les lois de l'âme qui sont liées à de la mémoire, l'enregistrement, puis Mais c'est quoi le puis troisième R? je m'en rappelle plus. Je Récitation, répétition. me rappelle plus, ben OK. franchement, là. Mais c'était lié à des lois de l'âme. Puis OK. on a voulu faire des réformes de l'éducation, peut-être pour aller plus vers des lois qui suivaient les lois de l'esprit, peut-être laisser plus de créativité, mais on s'est fait fourrer par du monde qui avait des intérêts à garder les masses ignorantes. Donc, l'évolution, quand elle est imposée, souvent, c'est de l'involution plus forte qui se déguise. C'est ça que je vois en ce moment, là, surtout au niveau collectif. Puis c'est clair qu'il va en avoir des pénuries puis des diabolisations de toute opposition dans notre pays, aussi pire qu'en Russie. Ben, c'est ça. Parce que là, présentement, on regarde les bulletins de nouvelles depuis un peu plus d'une semaine. Là, on montre des enfants qui pleurent, des femmes, des maisons qui sont détruites en Ukraine. Puis on met tout le temps l'emphase sur la souffrance humaine que ces gens-là vivent. Puis on les présente comme des victimes. Moi, je soupçonne les forces ukrainiennes d'avoir attaqué des civils en faisant passer que c'était les Russes. Pourquoi je soupçonne ça? Parce que c'est dans leur intérêt stratégique. Pour aller chercher la sympathie internationale, donc il y a des opérations sous faux drapeau de Ben, leur aller part. chercher de l'argent, puis de l'armement, puis du financement. C'est comme là, on nous montre en Russie des protestataires qui se font battre par la police. Ben ouais, mais il y a quelque temps, là, ils envoyaient des chevaux piétiner des madames en marchette, là. Oui, au Ici. Canada. Mais, ah, non, non, Ouais. c'était pas une marchette, c'était un bicycle. Dans les Oui. bulletins de nouvelles officiels, ils disaient la madame était en vélo, puis dans l'alternatif, c'était une marchette. Hey, à TVA, là, je me rappelle plus comment qu'elle s'appelle, la journaliste, entre guillemets. Là. Moi, j'appelle pas ça une journaliste, mais en tout cas, elle dit, là, voyez les gens se lancer dans les jambes des chevaux. Elle n'est pas capable de dire des pattes, elle est trop niaiseuse. Des jambes des chevaux, ils se mettent dans les jambes des chevaux. Ils veulent être des martyrs, ce monde-là. Puis là, après, il y a quelqu'un qui a été arrêté puis qui va être accusé d'avoir voulu blesser un cheval en lançant une bicyclette dans les jambes du cheval. Mais oui, mais c'était une vieille dame en marchette. Puis en plus, Une une autochtone? Mohawk. Ouais, c'est ce que Ah j'ai oui. entendu dire en plus. Pas la gang la plus. D'habitude, ils sont réactifs, les Iroquois, là. En plus, anciennement, c'était matriarcal, les Iroquois. C'était guerrier, les hommes qui faisaient la guerre, des madames qui menaient. Fait que, aller piétiner une vieille dame iroquoise, moi, je pense que c'est une grave erreur. Moi aussi. Ben là, Mais En tout cas. je voulais t'amener aussi à commenter parce que ça a bougé rapidement dans l'actualité. par rapport aux dernières semaines, c'est-à-dire que les yeux étaient rivés sur la menace liée au virus, que certains appellent la peur d'Emmy, l'épidémie de peur, qui est entretenue. Puis là, ce qui arrive avec l'arrivée de la menace de la Russie par rapport à l'Ukraine, puis ce qu'ils disent être l'envahissement, bien là, tout d'un coup, la pandémie, l'éclairage est puni dessus. Là, on enlève progressivement les mesures. Même le passeport va tomber. Il y a comme un gros revirement de situation. Puis il y a à peine quelques semaines, tu te rappelles, tu étais au Québec comme moi, alerte rouge sur les téléphones avec du jour de l'an. Vous ne pouvez pas sortir pour avoir des amendes de 1 500 $ si vous êtes dans des rassemblements de groupe, le couvre-feu. Puis là, en à peine quelques jours, non, tout ça, c'est en train de tomber. Ben oui, mais c'est du neuropiratage. Ils ont changé le programme de ciel. C'est là que tu peux voir, il y a du monde, sont totalement conditionnés. Parce que c'est ceux qui avaient le plus peur du COVID que là sont occupés à haïr Poutine. Donc, il y a eu un transfert. Puis comme je dis, quand tu crées des crises, puis qu'il faut jamais que tu arrêtes, il faut qu'il y ait des transferts d'une crise à une autre crise. Bien, ce qui permet de maintenir la dictature, c'est un état de crise perpétuelle. C'est ça, mais t'as pas le choix. Comme je dis, à un moment donné, ça s'atténue. Faut que tu changes le programme de temps en temps. Ton programme global, il est tout le temps le même, mais faut que tu changes le thème, si je peux dire. Puis c'est là que, d'une certaine façon... Mais ils vont ramener ça, hein. Je veux dire, c'est rien qu'en suspens. Ah oui, récemment, dans un bulletin de nouvelles de TVA, Diane Lamarre, qui était interviewée, parlait de la possibilité d'une 6e vague pour l'automne 2022. Oui, tranquillement, ça reste dans le cartes. On prépare le terrain, un peu comme un diffuseur qui dit, vous allez avoir une nouvelle saison de votre téléroman préféré à l'automne qui s'en vient, qui est en préparation. C'est parce que là, s'il y a une troisième guerre mondiale, possiblement, là, tout d'un coup, il va y avoir des armes biologiques. Donc, les populations, ils ont été conditionnées à avoir un certain comportement par rapport au biologique. Là, si jamais il y a vraiment de quoi de grave, puis du jour au lendemain, on dit aux populations, là, vous vous mettez tout un masque, puis vous gardez des certaines distances, ils vont le faire. Ben oui, comme les écoliers qu'on disait aux États-Unis, cachez-vous en dessous de votre bureau au cas où qu'il y a une explosion d'une bombe nucléaire. Mais là, tout d'un coup, ça pourrait avoir une utilité quand même plus tard. Moi, à un moment donné, j'ai fait un rêve qui n'en était pas vraiment un. C'était un rêve qui n'était pas comme les autres rêves, là, qui était différent. Puis il y a quelqu'un que je connais, que j'étais dans le rêve avec, puis on parlait. Puis il m'a montré un variant, qui allait être le variant Rho, la lettre grecque Rho. Puis il dit, quand ça va être ça, mets ton masque. Même qu'il sorte ce variant-là, mets ton masque. Puis c'était vraiment intense. Là. Je me souviens, que je me souvienne en détail comme ça. Mais à force de passer les différentes lettres de l'alphabet avec Delta, l'Omicron, à un moment donné, on va tomber sur l'euro, j'ai l'impression. Ouais, ils vont sauter d'autres lettres avant, je pense. Parce que ça a aussi une symbolique kabbalistique, les lettres grecques. Parce que ça représente aussi des chiffres à cause du positionnement. C'est lié pour que les gens qui sont initiés à certaines choses, ils se repèrent un peu sur ce qui se passe pour vrai. On prend pas des formes à la légère, on choisit pas des dates à la légère. Tout est fait pour que certaines personnes qui font partie de certaines castes, ils puissent se repérer, peu importe son où sur la planète puis dans quelle situation. Puis, c'est pour ça que je prends pas ça à la légère, là, toutes ces choses-là. Puis une chose que je trouve plate, c'est qu'au niveau de ceux qu'on appelle les complotistes, il va y avoir ils savent par instinct qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ils vont l'interpréter d'une façon qui est naïve, souvent. Puis c'est là que ça devient facile. Parce que là, mettons qu'on tombe dans une guerre à plus grande échelle, puis que là, dedans, il y a une guerre biologique que les populations sont pas au courant, qui part en dessous, puis que là, pour protéger, au niveau de certaines stratégies, certains intérêts, un pan de la population, on déclare qu'il y a tel variant dans telle région, puis on demande d'agir d'une telle façon. Il y a des gens qui vont avoir vu que c'était une fumisterie il y a quelques années avant, qui peuvent aussi bien ne pas obéir. Puis d'une certaine façon, il y a des dissidents qui peuvent être éliminés par un processus naturel comme ça plus tard. C'est très, très subtil. C'est pour ça que l'affaire d'intellectualiser tout ça, puis d'être au courant de tout, puis de tout savoir, puis de savoir en détail, puis de s'informer, puis tout, moi, je trouve que d'une certaine façon, ça donne rien. C'est pour ça que j'ai tout à mis l'accent de rester sensible, puis rester disponible à sa propre sensibilité, son intuition, puis son Oui, ressenti, puis s'écouter d'être sensible d'abord. à, aux Oui, vibrations. Oh, c'est oui. bien plus rapide Mais que oui, parce que c'est mécanique. sûr que dans le passé, les médias ont pu créer au loup, puis c'était pas fondé, mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont créer au loup, puis ça va être vrai. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien important la vibration. Moi, j'agis selon mon ressenti puis ma vibration. Mais comme là, l'affaire, ce qui se passe en Ukraine, puis je ne l'ai pas vraiment suivi. J'ai été 2 semaines bien occupé, puis ça me disait de ne pas m'en occuper. Mais il reste que le fait que ça ne m'inquiète pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas inquiétant. Mais j'ai pas le choix d'être dans un état comme ça pour que si jamais il y a quelque chose, de rester disponible. Dans le sens que, à mon ressenti, parce que si je suis tout le temps dans l'intellect, puis dans l'inquiétude, je vais intellectualiser l'énergie. Quand il va arriver un événement, je vais réfléchir mon expérimental, puis mon intellect va m'amener dans le mur. J'aime autant, tu sais, pas rester objectif le plus possible, puis me fier à mon intuition, puis mon ressenti. Comme là, il y a bien des affaires par rapport à Poutine puis Zelensky. C'est pas nécessairement autant en m'informant que en me souvenant de ce que je sais de ces deux-là, puis mon ressenti. Moi, Zelensky, pour moi, c'est un acteur comme Trudeau. Ben, c'est là que j'allais en venir. Trudeau, qui est professeur d'art dramatique, ou Donald Trump, qui a dirigé les États-Unis et qui avait été l'animateur de l'émission de TV The Apprentice. Ouais, mais il reste que Trump, bon. Moi, j'ai jamais eu une confiance totale en ce bonhomme-là. À mes yeux, il sert à jouer le rôle de l'autre, là. Dans le sens que pour garder le monde dans des. Quand tu veux garder une population dans un narratif, faut Oui. qu'elle puisse choisir pour qui apprend. Ça prend du choix. Donc, autrement dit, ça pourrait être l'opposition contrôlée. Oui, puis même sans qu'il sache. C'est du conflit triangulé quelque part. Oui, mais si on Tout le prend le temps. triangle de Cartman, d'ailleurs, tu m'ouvres une piste parce que je voulais en discuter avec toi en lien avec la crise présente en Ukraine. C'est que la lecture que j'en fais, c'est que Poutine est présenté par les médias de masse occidentaux, que ce soit en France, au Québec, les autres pays, comme étant le bourreau, l'Ukraine la victime, l'OTAN et les pays occidentaux comme étant les sauveurs. Alors qu'à mes yeux, c'est l'OTAN, dans le fond. Qui est quelque part qui est le provocateur, si on peut dire. Poutine, c'est pas vraiment une victime. Mais c'est parce que c'est plus complexe qu'un triangle. Mais au niveau de la vision puis de la subjectivité de la masse, ils vont nous mettre ça triangulé. C'est Exactement. sûr. Mais le but de ces structures géométriques-là, c'est tout le temps de mener en bateau pour drainer de l'énergie. Ben c'est ça. L'un des points que je voulais t'amener aussi, c'était de dire que vu qu'il y avait une population qui est grandissante, qui donnait l'appui aux camionneurs, puis au convoi de la liberté, moi j'ai l'impression que les gens qui... puis là, il y avait une baisse de la popularité de la CAQ dans les sondages aussi au Québec par rapport à la gestion de crise des mesures, etc. Comme là, ils voyaient que les gens adhéraient moins aux mesures, puis c'est sûr, au bout de 2 ans, il y avait une usure aussi qui s'installe. Là, tranquillement, ils ont switché, ils ont mis l'accent sur la menace qui se passe en Ukraine pour diminuer la grogne puis la montée de l'opposition aux mesures là, dans la population. Ah oui, il transfère l'énergie. C'est comme quand tu joues aux échecs, puis que tu essaies par tes agissements de faire à croire à ton adversaire que tu as telle stratégie, tu as une certaine stratégie, puis tu l'occupes. Tandis que par en arrière, tu as calculé un autre. Une autre C'est tout le temps stratégie. comme ça. Fait que là, Ouais, les... ben, Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est c'est un là petit... qu'on voit que ça transcende Legault, puis Trudeau, qu'eux autres, ils font juste suivre un plan. Qui est une stratégie globale, parce que le timing est tellement bon. Ils ont Ben... tous suivi un plan, tout l'Occident. Puis là, Poutine arrive à point nommé. Ils ont picossé l'ours, puis ils ont ouvert la porte quand c'était le temps. Là, tout le monde voit l'ours, ils ne voient plus. Ben, ils voient plus la menace sur leurs droits et libertés qui s'opèrent dans leur propre pays. Ben non. Donc, c'est comme les gens qui étaient mobilisés pour aller manifester à Québec ou à Ottawa. Bon, ben là, à cause de la menace en Ukraine, mais ben là, ils vont dire, ah, on va aller accueillir des réfugiés ukrainiens, on va leur envoyer de l'argent, on va leur envoyer des dons, puis il faudrait leur envoyer des armements, puis ils vont manifester pour justement le Canada. Là, il y a une manifestation récente qui a eu cours. Il y avait d'ailleurs l'ambassadeur de l'Ukraine qui disait, là, il faut qu'il y ait une intervention des pays au-dessus de l'Ukraine pour cesser les bombardements des civils. Ça presse, c'est urgent, c'est vital. Ben, c'est sûr, les Ukrainiens, ils servent la population. Je veux dire, en tout cas, ben franchement, là, il reste que tout ça, je veux dire, peu importe là, comment qu'on regarde ça, il y a juste des victimes, de part et d'autre. Là, il commence à y avoir, les esprits s'échauffent ici, même au Canada, c'est rendu qu'il y a des. Il y a eu des. Je sais pas si t'as pogné ça, là, des autos dans un stationnement qui avaient des petits drapeaux russes d'un endroit où il y a beaucoup de gens de la communauté russe. Puis là, t'as du monde qui sont allés frapper, sont allés briser les autos à coups de masse. Non, je n'étais pas au courant. Ben ça peut être lié à ce qu'on pourrait appeler des groupuscules. C'est étrange, ça, parce que l'extrême gauche de nos jours, elle va agir anti-russe. Poutine, il va être montré, il va être comparé à de l'extrême droite puis à Hitler. Exactement. On est dans un logiciel schizophrène. C'est vraiment parce qu'il n'y a rien là-dedans qui a de l'allure, qui se tient. C'est totalement incohérent. Normalement, les gens d'extrême gauche devraient être pro-russes. Si on regarde historiquement, puis, mais non. Non, parce qu'il y a eu des transferts. C'est pour ça la polarité. Comme le conflit Est-Ouest qui est entretenu, puis la guerre froide, puis tout ça. Une fois que tu as ces polarités-là, tu peux inverser. Plus tu polarises des gens, plus qu'ils vont venir. Tu peux inverser le. C'est assez spécial, mais c'est comme. Ça m'est arrivé de regarder des gens, leur faire des expériences main gauche, main droite, pour leur faire se rendre compte qu'ils sont ambidextres, mais qu'ils ne le savent pas. Ce que tu es capable de faire avec ta main droite, tu peux le faire avec ta main gauche. C'est juste qu'on a été conditionné à être. Mais le cerveau humain, il est fait pour que le gauche-droite s'inverse. Puis c'est pareil pour la vision polarisée du monde. C'est juste que pour qu'il y ait un plan psychologique, c'est-à-dire une capacité de synthétiser la réalité, puis d'avoir une notion d'espace-temps, pour qu'il y ait une profondeur, faut qu'il y ait des côtés. C'est ça l'affaire, le cube, là. Fait que le cerveau humain, il actualise l'expérimental. Fait que c'est ça le conditionnement. Mais quelqu'un qui a les clés de ça, puis qui comprend le système nerveux, il est capable après de faire n'importe quoi avec les populations. Ça marche tout le temps avec la majorité, ces techniques-là. Mais, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison pour que. Il va tout le temps y avoir une majorité qui marche, puis qui marche. Pour ça que l'affaire, il y a du monde en ce moment, ils ont peur, ou bien ils ont de l'espoir, ou bien. C'est là que je considère qu'il y a une subjectivité psychologique, puis il va avoir un stress, puis c'est comme Ben j'avais oui, des ben les affaires. gens, il y a quelques semaines, ou quelques jours à peine, avaient peur de la menace du virus. Là, ils ont peur de la possibilité d'éventuelle guerre Ben mondiale, oui. là, qui impliquerait la Russie puis l'OTAN, voire nucléaire. Mais même les gens qui sont au courant qu'il y a de la manipulation là-dedans, ils sont dans un stress des fois encore plus intense. Ils vont avoir une anxiété encore plus grande. Puis, il y a des gens, plus qu'ils comprennent, plus qu'ils ont peur. C'est bien plus inquiétant pour quelqu'un de psychologique de se rendre compte que c'est tout du théâtre pour manipuler les masses, puis que les gouvernants qui mettent le théâtre en place, ils s'en foutent au fond des gens en bas. C'est bien plus inquiétant ça que le narratif officiel. Que le gouvernement, il veut notre bien, puis il veut nous protéger, puis que Poutine, c'est un méchant, puis qu'on est dans le bon camp, puis que c'est bien plus inquiétant de se rendre voir au-delà de ça. Donc, le fait d'être moins dans de la subjectivité, ça peut être encore plus psychologique, donc c'est encore plus insidieux, puis là, on tombe dans une autre subjectivité qui peut être encore plus intense. Quelqu'un qui est Quelqu'un qui est en processus de conscientisation, il va souffrir bien plus à ce niveau-là que d'autres. C'est pour ça que il n'y a rien de pire que les phases transitoires. Les gens qui sont dans des phases transitoires d'un état d'esprit à un autre, au niveau de, si on peut dire, la transmutation de leur perception, de la réalité, sont bien plus à plaindre que les gens totalement endormis. Dans le sens, ils vont souffrir bien plus psychologiquement de ce qu'ils perçoivent. C'est encore plus dur de te rendre compte quand tu écoutes TVA qu'il y a de la bullshit là-dedans que quelqu'un qui croit tout ce qui est dit là. C'est-à-dire qu'il va falloir aller encore plus loin pour arrêter de souffrir psychologiquement puis d'arrêter d'avoir peur. Oui, C'est pour ma ça que. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est un petit peu paradoxal parce que la personne a dit, ah, je suis en train de m'éveiller, je vais sortir de la souffrance, mais entre dans une souffrance plus intense de voir plus de clarté de la manipulation qui lui échappait jusqu'alors. Bien, on est dans des processus de réactivité, c'est-à-dire que plus tu te réveilles, plus les forces d'endormissement vont être agressives. Mais ça, c'est lié. C'est le pire, c'est que c'est pas besoin d'entité, là. C'est comme des programmes qui s'activent puis qui se réagissent entre eux, puis il y a un jeu subtil qui se fait. C'est-à-dire que il y a la mécanique aussi de l'ego qui veut se protéger à mesure que t'intègres du réel ou que tu vois de plus en plus clair, l'ego, il veut se protéger psychologiquement, mais c'est inconscient. C'est des vieux processus extrêmement anciens. Donc, qu'on le veuille ou pas, la conscientisation à ce niveau-là, c'est comme, c'est dommage, mais il aurait fallu que le processus commence des années avant, là. Il y en a que, rendus là, ils passeront pas à travers, ça se peut pas, là. Ils vont bien trop souffrir de ce qu'ils vont se rendre compte. C'est-à-dire qu'ils arrêtent aussi bien de rester endormis. Mais d'un autre côté, dans ceux qui sont endormis, il y en a, ils vont se réveiller de force. Mais tu sais, dans le sens, le réveil, c'est progressif. Moi, je vois pas ça que d'une façon polarisée, il y a des endormis puis des éveillés. Mais là, c'est transitif, ces affaires-là. Fait qu'il y en a que ça va aller plus vite, il y en a d'autres qui vont bloquer, il y en a qui vont régresser. Ben, il y en a qui vont sombrer aussi. C'est-à-dire que moi, il y a quelques années, une de mes connaissances passait son temps à s'informer par rapport aux complots, aux conspirations, aux informations occultes. Puis il était très préoccupé par ça. T'sais. Il passait l'essentiel de son temps là-dessus. Il travaillait pas, puis s'est suicidé. Ouais, mais c'est pas de l'éveil, ça. Ben, c'est-à-dire C'est ce que je qu'il. disais tantôt. J'ai dit, t'es mieux de rester lié à ton ressenti, ton intuition. Puis à pas être dans l'intellect d'accumuler des informations, puis d'essayer de jongler avec ça, de sortir du C'est psychologique. ça, mais je veux dire, il y avait un éveil dans le sens qu'il y avait une sensibilité pour percevoir des enjeux occultes que la plupart des gens ne voient pas, puis il était conscient. Bon, les Bilderberg, Commission Trilatérale, différentes instances qui vont tirer les ficelles, puis étaient capables de m'expliquer avec beaucoup de précision qui a fait quoi, pourquoi tel est le pion tel, puis là, en apparence, tout est beau, mais c'est pas ça. Fait que. Il est tombé à un niveau plus subtil. Je vois pas. Parce que. Et tout, tu sais, je veux dire, j'ai connu du monde dans le même genre, mais tu sais, peut-être pas calé tant que ça dans le CFR, ces affaires-là. Mais c'est la capacité d'être capable de voir l'information sans être psychologique avec, sans les motiver, sans nourrir au niveau de l'émotivité. Je veux dire, sinon, tu vas capoter, là. Ben Ils exactement, vont puis capoter. ben c'est ça. Mais par rapport à ce qui se passe présentement en Ukraine, parce que moi j'ai l'impression qu'on cherche à raviver le spectre de la guerre froide, là, puis la menace nucléaire implicitement, à travers ce qui est dépeint dans les médias, pour amener un climat anxiogène, un peu comme celui qui régnait au début de la crise liée au virus. C'est sûr qu'après presque 2 ans, où ce que plein de monde l'ont eu, ben là, il y a eu une baisse de l'adhésion de la population, dans certains cas, aux mesures, ou une espèce de relâchement. Mais moi, par rapport aux gens qui nous écoutent et qui ont peur de la situation mondiale, que ça dégénère en Europe de l'Est, comment rester justement centrique puis calme par rapport à tout ça? C'est parce qu'il faut l'avoir été avant. OK. C'est plus le temps là, de partir. Il y a des gens en Ukraine. Il aurait fallu être réceptif à ce qui se passait avant. Puis la ressentir dans son ressenti au niveau de la vibration à un moment donné que c'était le temps de partir. Ah, un petit peu mis en tête comme les gens qui, lorsque Hitler avait pris le pouvoir, ben, il y avait des Juifs qui étaient partis de l'Allemagne pendant qu'il était encore temps pour émigrer, entre autres, aux États-Unis, avant Ben oui. d'attendre qu'ils mettent en application la solution finale puis les exterminent là, dans des camps de concentration. C'est pour ça que des fois, il y en a, ils me parlent, il faut être optimiste, puis la pensée positive, puis tout. Moi, j'ai toujours dit la même affaire. C'est pas d'être positif, négatif, c'est d'être réceptif, essayer d'être objectif, puis d'être disponible à son ressenti, puis l'intuition, puis l'instinct. Parce que les Juifs, dans le temps, qui étaient optimistes, puis qui étaient dans la pensée positive, sont allés dans les camps. Ceux qui étaient pessimistes sont allés à New York. C'est un moment donné, il y en a un qui avait dit ça. Puis c'est pas fou. Mais à un moment donné, c'est aussi de l'intuition, là. C'est pas d'être négatif, de se rendre compte que ça va aller mal. C'est comme au début de l'affaire de la pandémie, puis qui disait ça va bien aller, je te disais ça va pas bien aller. Ça peut pas bien aller, c'était voyons. Tu sais, c'est pas d'être négatif. C'est mon instinct, mon intuition me disait non, non, ça va mal aller. Puis je te disais, il va y avoir plein de faillites, il va y avoir plein de suicides. Mais c'est sûr. C'est la logique. C'est d'être rationnel, d'avoir la capacité de voir venir les choses, ne serait-ce que par déduction Oui, mais là, tu aussi. parles d'aller sur le terrain de l'intuition qui est au-delà de la raison, intellectuelle, là. Ben pour moi, la multidimensionnalité, c'est d'être multidimensionnel. C'est pour ça que j'ai jamais rejeté l'intellect d'un coup. C'est juste de pas nourrir une subjectivité psychologique avec l'émotion. Donc, la multidimensionnalité, c'est bien beau, mais il faut qu'elle soit claire. Dans le sens qu'il ne faut pas que les différentes dimensionnalités se fassent concurrence. Il faut que l'énergie apporte, il y ait un rayonnement, il y ait une diffusion radiaire. C'est ça l'affaire de centre. Il faut qu'il y ait de l'objectivité qui va dans chaque dimensionnalité. Parce que si tu subjectives ton intuition par ton réflectif psychologique, puis tu vas nuire à ton intuitif, puis ça peut nuire à finalement, c'est là qu'on se met en bateau, puis qu'on ressent plus les choses, ou bien on va ressentir des choses imaginaires. Là, on est totalement dans de l'astral quand c'est de Non, c'est l'imaginaire ça, mais qu'on. autrement dit, il faut pas que l'intuition soit soumise à l'intellect. Ben non, faut pas qu'il y ait une hiérarchie. Ça, je veux dire. Chaque dimension, faut qu'il y ait un alignement des corps, si on peut dire. Dans le sens que c'est pas de mettre. Il faut pas que. Ben c'est ça. S'il y a un alignement, là, ça passe droit. Il va y avoir une vue claire, puis même peut-être une vue panoramique. Il va y avoir un vrai centre. Dans le sens que, ben franchement, comme là, quand ça s'est déclenché, tout ça, j'étais occupé à autre chose. Il y avait 2 semaines de temps, là, comme il y en a qui pensent que j'ai abandonné la chaîne, c'est pas le cas. C'est juste parce que j'ai pas eu le temps, ça fait 2 semaines, je suis pas allé. Puis j'avais d'autres choses. Puis je donne pas d'importance. Fait que, dépendamment de ce qui se passe là, c'est là que je vais agir en conséquence. Mais il reste que j'ai pas suivi ça tant que ça. Mais Puis c'est ben correct. franchement, ça me fait pas peur, ça m'inquiète pas. Fait que moi, que Poutine, ça se peut que ça finisse en Troisième Guerre mondiale. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que. Je suis rendu à un point que je m'en fous. Je le sais que c'est pas mon ego qui mène, c'est pas mon ego qui décide. C'est pas au niveau de. Moi, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer d'être créatif dans mon espace à moi. Puis la perception que j'ai de ce qui se passe à l'autre bout, ça changera. Ça peut même influencer subjectivement ma vue à mon niveau. Donc, je m'en suis pas trop occupé. Je trouve ça bien triste pour les Ukrainiens. Mais je suis au courant aussi des histoires de lois, les lois de l'énergie, les lois de la mémoire collective, c'est-à-dire l'émission des peuples, le karma et ces affaires-là. Donc, c'est sûr que j'ai pas une vision. J'ai pas une vision pareille là, que d'autres qui diraient oh, c'est épouvantable la guerre. Puis ben oui, mais moi, je suis plus capable de penser comme ça. Ben oui, mais ça me donne rien de m'apitoyer sur le sort des Ukrainiens. Non, non, c'est ça, ça sert à rien de penser à ça d'une manière anxieuse, puis justement, là, de passer son temps puis son énergie mentale à nourrir de la tristesse, ça leur rend pas service, premièrement, puis ça nous garde Mais dans une non. situation d'impuissance, secondement. Tu sais, s'il y avait une capacité de percevoir l'instruction à l'interne puis d'être objectif, il y aurait beaucoup de. Il y en a des Ukrainiens, je suis sûr, qui ont sacré le camp quand c'était le temps. Il y en a d'autres aussi qui vont rester sur place puis ils vont passer à travers à cause de cette capacité-là, qui justement, ça va créer une accélération du développement de ces capacités-là. Donc, tout sert pareil. Puis. Je ne peux pas prendre position pour Poutine ou pour Zelensky. Pour moi, c'est tout des bons riens. Mais il reste que, faut pas se mentir, le plus honnête à date d'un d'eux, c'est pas Zelensky. Poutine, il a un sage. Ouais, c'est un directeur de KGB, puis tout, mais il fait rien que continuer la politique. Je veux dire, la Russie, ça date pas d'hier, là. Je veux dire, c'est pas récent comme l'Ukraine. Puis. L'espèce de conflit lié justement à toutes sortes de raisons qu'il y a, je peux le comprendre un peu. Puis l'affaire, bon, ah, Poutine, il y a une nostalgie de. Ben oui, mais lui, il est en tête d'un pays qui a une norme collective, on peut dire, qui a une histoire, qui a une mémoire. Il n'a pas le choix de tenir en compte des structures par rapport à la gestion de l'énergie de son pays, si on peut dire. Puis je le trouve plus désin. Tu sais, je veux dire, comme dirigeant, il est pas pire, là, dans le sens que je le trouve moins corrompu que d'autres, là. Mais en tout cas, tu sais, c'est pas pour. Mais il reste que je le considère comme un pourri. Là, sont là. Ah, oh, c'est un psychopathe puis un fou. Là, je trouve c'est pas correct. Là, c'est pas un fou, il est rationnel. Psychopathe, Mais c'est ça, les peut-être. médias cherchent à le diaboliser, là, en faire Ben oui. naturellement le méchant. Puis nous autres, c'est sûr, on est conditionnés sur le plan historique avec, comment dire? On a eu, depuis notre enfance, des films où les bons puis les méchants, tu sais, c'était blanc ou noir. C'était tout le Ben temps oui. comme ça, puis pas de zone grise. Puis là, c'est un petit peu le même traitement médiatique qu'on connaît, infantilisant, Ben, tu où sais, Hollywood, là, c'est de la manipulation, c'est du conditionnement, puis c'est de la propagande. Mais Poutine n'est pas irrationnel. La façon qu'il agit, c'est rationnel, selon son Ben, moi, je contexte suis à lui. d'accord avec le propos de Donald Trump. Lui, il dit le problème, c'est pas que Poutine. Lui, il dit Poutine est très intelligent. Le problème, c'est pas qu'il est pas intelligent, c'est que c'est les Occidentaux qui le sont pas assez. Ben oui, tu sais, au moins, accotons-le, puis ça va Oui. arrêter de. C'est vrai que c'est un. Tu sais, je veux dire. Tu sais, même j'hésite à être d'accord quand il dit que c'est un psychopathe. Oui, il est capable d'une certaine froideur, puis d'une intelligence. Mais tu sais, c'est un. Calculatrice. Mais ça fait pas de lui nécessairement un psychopathe. Je pense qu'il a réellement un sens du devoir par rapport à son pays, quand même. Puis je sens. Tu sais, je vois une humanité pareille. Je Mais suis en même temps, Poutine. tu peux comprendre qu'il soit traité de psychopathe parce que là, on parle de civilisations civiles qui ont été bombardées en Ukraine avec notamment des bombes à fragmentation qui se dispersent en petites munitions. Fait que ça, c'est une catégorie d'armes vraiment anti-hommes, là. Ouais, qui nous est rapporté, mais regarde, admettons que c'est moi qui avais déclenché ce guerre-là, possiblement que ça serait pire qu'avec Poutine. Moi, je me serais attaqué immédiatement à certaines infrastructures qu'il n'a pas touchées. Je l'ai trouvé pas si pire. Il a pas tout de suite détruit le réseau électrique, il a pas tout de suite détruit les aqueducs, ces choses-là. Puis, moi, ben franchement, là, je suis pas sûr que j'aurais été aussi fin que lui. Être dans la même situation, là, je parle au niveau le même contexte, là, puis tout d'un coup, je considère que j'ai pas le choix, puis j'y vais, puis là, on veut faire ça rapide, là. J'aurais peut-être dit, bon, ben, il va y avoir des dommages collatéraux, puis je me demande si j'aurais pas été plus dur que lui. Pourtant, je le sais que je suis pas un psychopathe. L'affaire, c'est que, à un moment donné, tu sais, si t'as une mission, puis que t'es programmé, pour accomplir une certaine tâche, puis que tu vas selon ce que tu sais que tu veux remplir ta mission, au fond, que tu faut que. Puis que tu le sais que tu n'auras pas le choix de créer des dommages collatéraux. Moi, je l'ai trouvé très. Moi, je pense qu'en mettre pas mal, je l'ai trouvé smooth, là. Ben, franchement, là, j'ai trouvé qu'il est allé éthique pas mal. Parce que il y a certaines infrastructures, il n'a pas touché pas en toutes. Puis ses premières affaires, j'aurais détruites. Il y a des affaires. Il fait attention et tout. Il sait que la guerre de l'information, il l'a perdue. Donc, il marche sur des œufs. Il fait bien attention. Parce que toutes les atrocités qui ont été commises par rapport à voilà, les pro-russes dans l'est de l'Ukraine, ils ont essayé que ça se sache, ils ont essayé que. Mais on est tellement fermés, je veux dire, c'est quasiment pire, là, nous autres. Mais il reste qu'il a été très. Non, non, je le trouve à date, il agit logiquement selon la politique de la Russie, la politique étrangère de la Russie, puis la façon de. Puis aussi, il va selon ce qu'il avait dit avant. Comme là, il avait dit, si vous vous approchez trop de nos frontières, puis vous essayez de défaire les zones tampons, je vais sortir un petit peu de la frontière pour essayer de rétablir ça. Ah oui, Puis puis c'est là, exactement ce qu'il fait. c'est ça, puis là, ça me fait rire parce que les Américains qui vont critiquer ce qu'il fait, les mêmes Américains, quand il y a eu la crise de la baie des cochons à Cuba, où il y avait de la possibilité que des missiles russes soient envoyés à Cuba pour narguer les Américains, que des cibles significatives puissent être atteintes là, à partir de Cuba aux États-Unis. Ah ben là, les Américains étaient intervenus. Ouais, ben, intervenu en fiasco, là. Le débarquement de la baie des cochons, là, c'était une vraie honte, ça. Hey, ils ont fait rire des autres, c'était une vraie honte. Mais l'affaire, c'est que les Américains, ils ont participé à bombarder le Kosovo. Puis dans le temps de Clinton, je veux dire Obama, les attaques avec des drones. Puis c'est l'affaire deux poids, deux mesures, moi, qui m'écœure. Les Américains, là, il n'y a pas plus interventionniste qu'eux autres au niveau de la politique étrangère, la CIA, les révolutions colorées, en Ukraine, les snipers qui tiraient à la fois sur les manifestants puis les policiers. Il n'y a pas plus cochon qu'eux autres, là. Puis on n'entend pas parler dans nos médias, puis ils sont tout le temps montrés comme ils sont bien fins, puis tout, c'est les pires. Depuis des décennies, là, sur la planète, là, les régimes les plus interventionnistes au point d'aller faire du dommage collatéraux puis de tuer des civils, c'est les pires. Qui sont allés tout défaire l'Irak puis la Libye, puis c'était vraiment pour des intérêts, là, puis par stratégie. Puis là, Poutine, que dans le fond, les Russes, ça fait un bout de temps, là, que je veux dire, il y a eu la guerre en Afghanistan dans le temps, dans les années 80. Mais ils restent qu'ils sont pas mal plus tranquilles que les Américains, ça se compare même pas. Les Russes n'ont pas causé autant de millions de morts dans les dernières décennies que les Américains. Oui, mais en Les même temps, guerres. les Américains sont porteurs de la Constitution américaine. Comme disait Bernard de Montréal, si vous le regardez avec le recul, l'interventionniste américain, à un moment donné, il commentait là, par rapport à l'Irak, il disait que le recul historique, bien, ça va amener la démocratie et les droits individuels dans d'autres peuples. C'est Ah, formidable. ouais, j'ai pas vu ça en Irak puis en Libye, en tout cas. Ben lui, il dit sur un espace de plusieurs centaines d'années, c'est comme si ça va Ah, amener le bon. germe de la liberté, puis ça va induire ces idées-là qui vont croître, puis les gens vont venir à vouloir l'égalité homme-femme, tu sais, toutes les Mais valeurs tu sais, américaines. ça là-dessus, là, c'est là que je considère, tu sais, on voit Bernard, c'est un humain, il avait une personnalité. Puis Bernard, il était super pro-américain. Moi, tout, quelque part, je veux dire, le système américain, je le trouve correct aux États-Unis, mais leur façon de leur politique extérieure, là, je peux pas être pro-américain. C'est tout le temps lié à des intérêts. C'est tout le temps lié, justement, comme les Bush dans le pétrole, puis comment ils ont agi avec le Koweït. Puis, c'est bien de valeur, mais les politiques extérieures, je les vois pas pantoute comme ça. De toute façon, là, c'est pas les Américains qui ont inventé l'idée d'une constitution démocratique, puis d'une forme de libéralisme capitaliste. Là, ça vient pas de. Oui, C'est pas mais c'est nécessaire. présentement la superpuissance qui est porteuse de ces valeurs-là. C'est pas la Russie ni la Chine. Ben ouais, mais quand tu te fais bombarder par les Américains, penses-tu que tu te dis, ah, oh ben, dans 100 ans, au moins, ça va. C'est porteur de quoi, là? Ben, c'est parce que l'idée, c'est que l'occupation allemande, pas allemande, pardon, américaine en Irak, ça a amené les gens, les Irakiens, à être exposés à des idées qu'eux autres portent avec eux, là, liées à la démocratie. Exposé pareil. Ils sont au courant. Les Irakiens, là, c'est pas des imbéciles puis des ignorants. Ils savent c'est quoi la démocratie américaine. Il n'y avait pas besoin de se faire bombarder pour savoir c'était quoi. Le fait d'avoir été bombardé puis tout, ça les empêche pas d'astreindre d'être sous la dictature d'un fantoche que les Américains ont choisi. Les Américains sont pour la liberté sur leur territoire, puis encore. Mais au niveau des politiques extérieures, c'est tout le temps un prétexte encore d'être l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pour se montrer les Oui, mais gentils. ils ont tassé le tyran Saddam Hussein de l'Irak pour Ben oui, permettre mais c'était le l'émergence d'un fun. peuple démocratique. Dans le temps de Saddam Hussein, je serais peut-être allé avoir les moyens de faire un petit tour une semaine en Irak, mais là, j'irai pas. Moi non plus, probablement, mais il y avait peut-être un niveau de vie plus élevé, c'est sûr, au temps de Saddam Hussein que par Sais, la suite, des c'est années là. d'occupation américaine. L'Irak, si on regarde comme faux historiquement, c'est les anciens Babyloniens. Ben, tu sais, Nabucodonosor, puis c'est des sociétés qui avaient une certaine, qui ont une certaine mentalité tribale. Puis Saddam Hussein, d'une certaine façon, c'est les Américains qui l'avaient mis là. Le parti Baas, puis la CIA, puis toutes les. C'est les Américains qui lui ont permis de prendre le pouvoir. C'est un esti de chien sale, c'est un bandit. Mais là, il était plus autant à leur solde, puis il a décidé il est tombé dans le piège qu'il pensait qu'il pouvait traverser au Koweït. Mais c'est les Américains qui l'ont mis là. Je veux dire, après, sont allés, il faut aller libérer les Irakiens. De quoi tu parles? C'est vous autres qui... Ben oui, c'est Tu ça, sais... ils le mettent au pouvoir, puis après ça, ils le dénoncent. C'est comme un pion qu'on C'est jette ça. après usage. Ben oui, c'est comme... C'est eux autres qui ont fait tomber le Shah d'Iran, puis... Tu sais, c'est tout le temps la même affaire. C'est certain que c'est un peu comme le Maharaja qui libère son tigre. C'est eux autres, ils mettent des dictatures partout, puis après, ils sont super interventionnistes dans le monde, on combat la dictature, puis on amène la démocratie puis la liberté. T'as tout le temps par en dessous leur magouille, puis après, Quand ça fait puis plus c'est... leur affaire, ben c'est des méchants dictateurs, ceux qui leurs argentures qui marchent plus, ouais. D'une certaine façon, leur façon d'agir, c'est certain, les Américains, que... sont admirés par bien du monde qui font qui des gens je parle il y a des élites dans le monde entier qui sont des gens que ils se maintiennent à un certain niveau de vie parce que c'est des élites depuis des générations puis qui ont les moyens. C'est certain que les Américains sont à ce niveau-là dans ces milieux-là ils sont très très très impressionnants parce que c'est machiavélique dans le sens de Machiavel là, dans le sens de cette espèce d'intelligence tactique là d'être capable d'instrumentaliser le terrain au niveau tactique selon une stratégie là, un plan global. Ils ont une intelligence stratégique qui est pas pire, bien plus qu'au niveau purement militaire. Eux autres, c'est surtout par de la corruption politique, puis ils sont très, très, très forts. Mais ça, c'est lié à la force de leur dollar, entre autres. Et il y a un paquet d'affaires qui fait que cet empire-là, à un moment donné, ça va tomber. Ça ne peut pas faire autrement. Mais à ce moment-là, certaines élites qui sont derrière eux autres sont transnationales. C'est le pouvoir que les Américains ont, il va se transférer ailleurs à un moment donné. D'ailleurs, il y en a plein, ils ont commencé à mettre leurs billes en Chine. Je suis pas sûr que c'est nécessairement vers là que ça va. Mais regarde là comment on est en train, les Québécois, encore de se faire. Comme là, Bombardier, ils ont annoncé qu'ils ne voulaient plus faire affaire avec les Russes. Les actions de Bombardier descendent. Je suis pas allé voir aujourd'hui, là, mais dans les derniers jours, là. Tu sais, je veux dire, le monde aime les opportunistes. Dans le fond, c'est à se demander si des compagnies d'armement comme Halliburton, ça va pas se mettre à remonter, là. Mais tu sais, il reste que. La guerre, ça fait surtout monter les matières premières, surtout comme là, juste le blé, dernièrement, c'est à cause de l'Ukraine, qui est un gros joueur dans le blé dans le monde. L'affaire, c'est que Américain, pas Américain, Américain, là, ça c'est juste, les États-Unis, là, ça c'est juste comme le t-shirt d'un joueur de hockey dans la Ligue nationale. La vraie game, mais pas sur la glace. La vraie game, c'est les gros financiers qui achètent des équipes, puis qui mettent de l'argent, puis qui investissent, Ah oui, ben puis... les gros fonds comme BlackRock et Vanguard, entre autres, là, qui sont transnationaux. C'est ça. Fait que l'affaire dit, oh, les Américains, ils vont amener des idées de démocratie, puis... Ben de valeur, là, c'est comme du papier d'emballage, ça, à mes yeux. Parce que dans les faits, les Américains, ils interrompent le processus évolutif national, naturel des peuples. Ils viennent s'immiscer, ils interviennent, puis souvent ils vont agir comme une force retardataire. Regarde la Libye, c'était un des pays les plus développés d'Afrique. Puis là, les Français, les Américains, ils sont intervenus, ils ont complètement enlevé toutes les pour des raisons d'intérêt, toutes les. Penses-tu que ça va aider l'idée d'avoir une démocratie à l'occidentale en Libye, ce qu'ils ont fait? Dans ce cas-là, non. Par contre, le point, c'est de regarder par rapport à l'interventionnisme global des Américains. S'ils ne seraient pas intervenus dans certains cas, ça ne serait pas devenu pire. Peut-être pas en Libye, mais il y a peut-être d'autres zones dans le monde que la situation aurait peut-être été pire, là, ouais. Ah oh ouais, ben là, c'est purement spéculatif. Ça aurait peut-être été, tandis qu'à chaque fois qu'ils interviennent, ça vient pire 100% du temps. Tu sais, qui se mêle donc de leur crise d'affaires. Moi, dans le fond, je le sais qu'il y a des jeux de Bien, si on force, puis prend par que exemple veut la pas. Deuxième Guerre mondiale, qui était leur intervention majeure dans le conflit, c'est-à-dire que en débarquant sur les plages de Normandie, ils ont empêché le régime nazi. Bon, ben si ils seraient pas intervenus, puis le régime nazi serait pas tombé, probablement que toute l'Europe aujourd'hui serait sous dictature allemande. C'est du monde de New York qui ont financé le NSDAP. Il y a du monde de New York qui ont passé de l'argent pour. Ça a été financé de l'extérieur, cette guerre-là. Après, il arrive les sauveurs. Tu sais, puis après, le plan Marshall. On va reconstruire. Ça fait passer quand SNC-Lavalin arrive d'un pays pour reconstruire, là, puis c'est des chums de ceux qui ont démoli. Oui, mais c'est sûr que je suis critique aussi par rapport aux États-Unis, surtout par rapport en Irak. Ils bombardent l'Irak, puis après ça, ils donnent à leur entreprise les contrats de Ben reconstruction sur le dos des Irakiens qui s'endettent. oui, c'est tout le temps de même. C'est pour ça, moi, je suis pas pro-américain ni anti-américain. Je suis pas pour les Américains, je suis pas contre les Américains. Parce que ça transcende ça. Il y a des rapports de force, il y a des jeux de force qui font qu'il y a de l'expérimental karmique qui est créé au niveau des peuples, des mémoires collectives. Veux, veux pas à long terme, parce qu'il y a des lois de la vie qui sont comme ça. Tant qu'il reste des structures, il va y avoir une évolution. On n'a pas le choix, sinon il n'y a rien qui survit. Je peux comprendre, oui, les Américains, ils vont aider à l'idéal américain, je ne suis pas contre, là. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pareil, mais ils n'agissent pas seul. Il y a une certaine hypocrisie, ils n'agissent pas Oui, ben, ils selon. sont pas parfaits, c'est des êtres humains. Mais est-ce que ça serait mieux la situation où ce que les Américains n'interviendront pas puis laisseraient le jeu libre à la Chine ou à la Russie qui sont communistes? Ben oui, mais encore là, ça a été financé de l'extérieur. Ça a été voulu de même, ça fait l'affaire des Américains. Ça prend un ennemi. Puis il faut qu'il y ait une dualité puis une polarité. Fait que moi, je pense que ça aurait été mieux que les astites britanniques puis d'autres, ils se mêlent de leurs affaires, qu'il n'y ait pas la guerre de l'opium au 19e siècle, puis il n'y en aurait pas de Chine communiste à cette heure. Tu sais, il ne serait pas de menace, la Chine. Tu sais, eux autres, là, c'était des. Ils étaient repliés sur eux-mêmes, puis ils voulaient rien savoir de l'étranger, puis ils payaient. Tu sais, je veux dire, ils faisaient le commerce de la soie, puis de la porcelaine, puis du thé. Puis ils étaient bien de même. Ouais, c'est ça, c'était pas, il n'y avait pas une mentalité expansionniste Ben d'envahir d'autres non. pays comme les gens d'Angleterre. C'est ça. Tu sais, ça a été voulu. La Chine a été corrompue par l'Occident. Le communisme, ça vient pas de la Chine. Non, c'est ça, Ça vient mais. d'un hostie de barbu allemand, du calice. Ouais, ben Karl Marx, T'sais. mais ce qui est drôle, mais c'est pas drôle en réalité, c'est quand tu regardes la Chine sous l'influence d'Angleterre, bon, mais ça a amené la Chine aujourd'hui à faire du néocolonialisme avec certains pays d'Afrique. Là, ils veulent construire des ports, puis des ententes, puis avoir des entrées un peu partout, pour prendre du territoire. Ah oui. Moi, je considère, moi, j'ai. Tu sais, souvent, le vrai respect, c'est la non-intervention, c'est-à-dire les lois de la vie, l'évolutive, c'est des lois naturelles quelque part. Fait que moi, je vais souvent être en genre, on n'intervient pas. Mais la Terre, c'est comme la planète, il y a des forces liées à la territorialité, puis des forces vampiriques qui fait qu'il y a des rapports de force, puis il va tout le temps. Si la Chine. Il n'y avait pas eu le communisme, puis qu'il n'y avait pas eu d'intervention de la. Même si on regarde. le Japon qui a fini par devenir colonialiste, puis qui est rentré en Mandchourie, puis qui a eu une colonie en Corée, aux Philippines, puis qui était rendu tout d'un coup expansionniste. Encore là, on peut se rendre compte qu'il y a eu une corruption par des idées occidentales qui sont rentrées tranquillement. Ça a fini par devenir un empire colonial, le Japon, tandis que c'était une politique avant isolationniste, qui étaient repliés sur eux-mêmes. Puis ils voulaient rien savoir du commerce avec les Portugais au début. Puis c'est de même, l'Occident a fini par, au niveau des idées, au niveau des idées progressistes, par corrompre quelque part le Japon. Oui, ça a fait évoluer le contexte. Ça, je suis d'accord. Mais il reste que, au niveau, si on le regarde au niveau subtil, c'est de plus en plus involutif, puis ça a accéléré qu'on s'en va vers une fin de cycle. Puis c'est là que, tout d'un coup, là, il y a eu il y a eu la. Puis aujourd'hui, comme là, tout le monde a peur de la Chine, puis là, je veux dire, c'est comme, Taïwan est vraiment en danger, là, vraiment, là. C'est eux autres qui restent à mes yeux de la vraie Chine, si on peut dire. Ben, quoi que c'était le comptoir commercial de l'Angleterre, donc c'est pas la Chine de base, ça a été sous influence Bon, je parle fortement. dès que Oui. les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek sont parties à Taïwan. Parce que ça a fait partie de l'Empire japonais aussi, Taïwan. Le OK. vrai comptoir de l'Angleterre, c'était Hong Kong surtout. Hong Kong qui a été redonné à la Chine. Mais il reste que, on voit qu'il y a des guerres de mémoire, il y a des rapports de force. Taïwan sont vraiment en danger en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est une lutte à finir. C'est là que c'est à Taipei qu'il y a le mausolée de Chiang Kai-shek. Puis, il n'y a personne au fond. Est-ce qu'ils vont vraiment défendre Taïwan? Est-ce qu'ils ont pensé un petit peu à. Là, on va réarmer l'Ukraine, puis tout. Puis là, même que ça brosse dans le Pacifique, là, on va donner la permission de réarmer le Japon. Puis, c'est à se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire? Parce que j'ai pas confiance en personne. Moi non plus. Parce que les Japonais, ils ont le droit de se défendre dans Gamma. Ils sont vraiment en danger. Les Chinois, là, il faut pas oublier que c'est des affaires d'armes collectives puis de mémoire. Fait que les Chinois, ils ont des maudites raisons d'haïr le Japon. Puis des grosses raisons. J'allais dire des bonnes raisons, mais on peut pas le voir de même, là, mais ils ont des raisons. Ils sont capables de justifier une violence inouïe. Parce que ils ont jamais oublié ce qui s'est passé à Nankin, puis. C'est là que ça devient très, très, très dangereux parce que là, c'est de l'astral mur à mur, c'est rien que de la mémoire psycho-affective collective, puis c'est rien que de l'énergie qui s'accumule dans des structures depuis des décennies. Ben oui, puis ça peut amener des boucles de vengeance, là, sans fin. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, il y a des forces animaliennes sur Terre qui prennent possession des corps quand certaines structures qui viennent de plus haut les lâchent. Donc, si jamais les Chinois ils décident là, tout d'un coup, militairement, ils viennent à bout de rentrer au Japon, puis tout ça va y aller par là, les meurtres de masse, puis les viols, puis envoyer donc, puis pas à peu près. Pas à peu près. Pourquoi? Parce qu'ils vont justifier, puis ils vont rationaliser le fait qu'on a subi la même chose d'eux autres. Ils sont assez caves pour ça. Mais en L'être même humain temps, est ils un sont. imbécile, c'est toutes des caves, toute la planète. C'est tous des psychopathes. Oh, Poutine, c'est un fou pas un psychopathe. Ben, peut-être on est sur la planète psychopathe. Ouais, non, je comprends. Il y a plus. Ben, d'ailleurs, il y avait un livre qui a été écrit, C'est fou qui nous gouverne. Mais le problème, c'est que les gens manquent d'ajustement et sont pas conscients, mais en même temps, simultanément, on peut pas leur reprocher de pas être conscients dans le sens que Bernard de Montréal l'entendait fusionner parce qu'ils n'ont pas les corps pour supporter l'énergie. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui arrive quand un corps ne supporte pas l'énergie? Il va avoir un éclatement des formes, c'est-à-dire l'énergie, le corps éclate, puis l'énergie, elle sort, puis elle va dans d'autres. C'est pour ça qu'il y a des jeux de rapport de force, comme je dis. Puis, il va y avoir des morts, ça, c'est sûr. Puis, ce qui aurait été prévu au 19e siècle, il y aurait successivement trois guerres, puis ça serait la troisième qui va être. Parce que ça avait été prévu et tout, qu'il y aurait une expansion de la démographie. Ben justement, par rapport à ce qui était prévu, je voulais te ramener à ce que mentionnait Bernard de Montréal dans ses cassettes des années 80. Donc, Bernard qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec, et c'était dans la période de la guerre froide, donc entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, donc les Américains, l'URSS qui n'était pas encore tombé en 1991. Et Bernard faisait allusion au feu qui mettrait fin à la civilisation, donc sous-entendait, j'imagine, le feu de l'arme nucléaire. Et c'est sûr que les années ont passé. Bon, au début des années 2000 ou vers 2010, j'ai réécouté les enregistrements. Je dis, bon, le bloc de l'Est est tombé en 1991. Le monde bipolaire, comme il décrivait, où émergeait l'enregistrement, je dis, bon, c'est plus d'actualité. Mais là, aujourd'hui, quand je regarde qu'est-ce qui se passe présentement en Europe de l'Est, ben j'ai l'impression que la menace nucléaire reprend une forme d'actualité. C'est bizarre, hein, mais j'ai. Pour moi, l'arme atomique est pas mal moins dans. En tout cas, on nous met beaucoup là-dessus, je pense, là, OK. sur. Parce que c'est une guerre de l'énergie, hein, c'est des guerres de l'énergie qu'il y a sur la planète. Puis, on a des ennemis qu'on nous fabrique, puis des fois, c'est comme la lutte, on se rend compte qu'après le match de lutte, dans le fond, c'était des chums, puis c'était arrangé. Fait que l'arme atomique, il y a trop d'affaires qui marchent pas là, avec ça, là. J'ai bien de la misère. Non, il y a de quoi qui est. C'est surtout dissuasif puis une arme psychologique, tant qu'à moi. Prends Israël, ils ont l'arme atomique. Pourquoi Israël atomiserait un de ses ennemis si c'est à côté? Admettons, imagine ça. Israël, il atomise le Liban dans une guerre. Dans une guerre. Ben oui, mais ils vont s'irradier. Oui, exactement. Ils vont les Comme là. retomber, ouais, le vent, ouais. On sert de l'arme atomique pour impressionner puis manipuler les masses depuis les années 50, beaucoup. Parce que ce qui est arrivé à Hiroshima puis Nagasaki, il y a plusieurs affaires que je trouve incohérentes puis invraisemblables. Il y a des choses qui marchent pas. Comment ça se puis irradie? Entre autres, là. Puis aussi, si tu regardes les archives, là, comme. Il y a un arbre qui est très connu, là, un bonsaï qui a presque 1000 ans, que lui a survécu, je pense, à Nagasaki. Il était irradié, puis il est encore vivant, l'arbre. Puis, tu sais, des petits détails de même, là, que je trouve bizarre. Comme les gens que, tu sais, il y a des places qui est apparu des silhouettes sur des murs, c'est des gens qui auraient été vaporisés au niveau, tu sais, quand il y a eu là, le flash. Atomique, là, leur corps aurait été vaporisé, ils seraient devenus un petit vent chaud, là, puis juste leur silhouette qui resterait sur les murs. Je pense que c'est de la mise en scène, puis je crois pas à ça. À mes yeux, les Américains, puis les Britanniques, ils ont fait capituler le Japon, puis ça prenait. Les Japonais, ils ont négocié avec les Américains, entre autres, pour pas perdre la face. Puis ils ont mis en scène quelque chose. J'y crois pas à l'atomisation d'Hiroshima puis de Nagasaki. Oui, il y a eu des radiations, puis il y a eu des. Il y a eu. Ils ont fait quelque chose pour que les populations, qu'il y ait du monde, comme par exemple, t'sais, on a des images là, des gens que leur peau pend, là, puis qu'il faut les soigner ou qui ont été irradiés gravement, puis tout. Mais l'affaire, là, je pense c'est quoi, Fatboy, là, puis les deux. Les deux bombes, là. Moi, je vois une mise en scène pareille là-dedans. Bien, il y a pu avoir une exagération de la puissance de l'arme nucléaire aussi. C'est parce que ce qui était le plus important pour les gens derrière Hirohito, parce que lui, c'est rien qu'un innocent, là. Hirohito, là, il était même pas capable de monter sur un cheval comme du monde, puis il était tellement myope que. Il se voyait pas dans le miroir, là. Mais, tu sais, on a affaire à du monde de. Un petit peu consanguin, là. En tout cas, mettons que c'était pas un grand gars en forme, là, Hirohito. Puis, il était pas vite, vite, vite non plus. Il avait jamais vraiment pris de décision. C'était un peu comme un être symbolique, si on peut dire, qui avait une fonction surtout symbolique puis religieuse au niveau politique, là, parce que, bon... Si tu regardes l'histoire du Japon, là, les shoguns puis tout ça, c'était pas l'empereur qui, à partir de certaines époques, il y a juste. C'était un peu ça, Hirohito. C'est les généraux qui menaient. C'est les militaires qui menaient. Puis lui, bon. Fait que le monde derrière, lui, ils ont négocié que les Américains, ils fallait pas. Eux autres, leur principale préoccupation, c'était de ne pas perdre la face. C'était ça le plus important à leurs yeux. Ben, pour pas perdre la face, il fallait que le Japon capitule d'une façon que le Japon capitulait, mais parce que c'était impossible de faire autrement. Parce que là, il y avait une nouvelle arme, là, que c'était inimaginable, puis c'était comme il gardait la face en capitulant pour sauver le Japon. C'était la seule chose que les populations, au niveau de leur mémoire, puis de leur psychologie, auraient accepté une capitulation. Sinon, l'occupant américain, il y aurait eu affaire à un paquet de monde qui fait des attaques suicides tout le temps. Des Des femmes. kamikazes. Oui, carrément. Puis du monde de la population civile, là. Très, très, très motivé. Des femmes puis des enfants là, qui t'attaquent avec des couteaux, là. Que ça n'arrête pas, là, jamais, là. Ils s'en foutent de mourir parce que c'est une culture où l'honneur était plus important que la vie. On a affaire à une culture extrêmement astrale au sens chamanique. Donc, c'était impossible de. Il fallait que la population accepte la capitulation. Puis l'occupation, le Japon, ça n'avait jamais été occupé par des étrangers, jamais, là. Mais non, parce que c'était une île. Mais pas juste ça, tous ceux qui s'étaient essayés, comme les Mongols à une certaine époque, qui ont essayé d'envahir l'île, ils n'ont jamais été capables. D'ailleurs, kamikaze, ça veut dire vent divin. Puis à l'époque où les Mongols avaient essayé d'envahir le Japon, il y a eu des tempêtes, un addon même, il y a eu des tempêtes, puis toute la flotte mongole a été coulée. Ils n'ont jamais été capables, puis là, ils ont appelé ça les kamikazes, les vents divins, qui avaient sauvé le Japon. Les dieux, dans la pensée shinto, les forces de la nature sont des déités, étaient intervenus pour empêcher les étrangers de faire la conquête de l'archipel. Donc, c'était inconcevable pour eux autres. Les Japonais eux-mêmes sont des gens qui venaient de la Chine il y a très longtemps, qui ont conquis les îles. Parce que c'était les Aïnous, le peuple originel, là, qui sont même pas des Asiatiques physiquement. Bastard, oui, parce qu'il y a eu des mélanges, là, mais ils ont souvent les yeux bleus puis les cheveux frisés un peu. C'est eux autres les vrais originaires des îles. Mais les Japonais eux-mêmes, ils ont tout le temps pensé qu'ils descendaient de la déesse du soleil. Puis c'était une mentalité chamanique. Il n'aurait pas pu faire accepter à la population une capitulation. Si les gens étaient pour la guerre, en grande majorité au Japon, c'était parce que dans leur tête, c'est impossible que ce soit mal, puis c'est impossible qu'ils perdent. Donc c'est inconcevable une capitulation. Ils devaient gagner ou mourir. Ben, les gens Mais étaient pour fanatisés, il y avait un culte en la croyance absolue de l'empereur, puis ainsi de Ben suite. oui, c'est une divinité, Oui. l'empereur. D'ailleurs, il n'y avait rien que ça, là. Dans le sens que c'est vraiment un bonhomme myope qui avait de la misère à se mettre un pied un avant de l'autre, là. Tu sais, tu peux pas avoir plus. C'est quelqu'un qui avait tellement été conditionné à accomplir juste des rituels tout le temps, puis à être en représentation constante, ils en ont carrément, en fait, quelqu'un de malade, qui était pas dans la réalité. C'est pour ça que c'est ces généraux qui décidaient de tout. Lui, il était là pour des raisons symboliques liées aux traditions. Mais les Japonais sont dans les traditions tout le temps, les traditions tout le temps. C'est un peuple chamanique qui est extraordinairement astralisé. Tu sais, je veux dire, c'est difficile de trouver en Asie plus astral qu'eux autres. Je veux dire, c'est les lois de la mort, là. C'est plus important l'honneur que la vie. C'est pour ça qu'un chef d'entreprise, s'il fait faillite, il va s'ouvrir le ventre dans son bureau. Encore aujourd'hui, ça arrive. C'est un des peuples qui a le plus de suicides au monde, c'est sûr. Ben oui, ben tu as des étudiants qui n'ont pas des bonnes notes à l'école puis qui se suicident aussi. Ben oui. Puis ils sont venus à bout de contaminer d'autres peuples avec ça, parce qu'au niveau des performances scolaires qui peuvent mener à des suicides, t'as la même affaire en Corée du Sud, qui est une colonie japonaise. Même s'il y a encore un ressentiment entre les deux peuples, ils se sont contaminés. Puis, tu sais, tandis que si tu vas plus dans d'autres pays d'Asie, ben le monde, ils vont pas se laisser mourir pour l'honneur, ils vont sacrer leur camp, ils vont. Tu sais, je veux dire, ils vont pas se laisser mourir, là. Ils quittent à manger le voisin, là. On surveille. C'est là que c'est juste de la mémoire, c'est juste de l'imagination. C'est juste une persistance de l'expérience enregistrée. C'est très, très, très, très puissant. Plus puissant que l'intelligence objective pure. Dans le sens que le psychologique, c'est juste pour dire que les Japonais, moi, j'ai bien de la misère à croire qu'ils ont vraiment ce qui est arrivé à Hiroshima puis Nagasaki, qu'il n'y a pas de mise en scène là-dedans. C'est pour ça, l'arme atomique, est pas mal, c'est pas comme on nous le dit, d'après moi. Puis les retombées durent pas aussi longtemps qu'on nous le dit, on nous ment beaucoup là-dessus. De toute façon, il doit y avoir bien des affaires là-dessus, c'est classé secret défense. Mais à un moment donné, je t'avais envoyé c'est un Américain qui donnait des conférences. Lui racontait dans le temps, il se baignait dans les piscines de refroidissement des centrales. Oui, tu m'avais partagé une vidéo, là, j'ai pas conservé le lien là, pour le partager au public. Bon, c'est pas ben important, Mais là. c'est Puis sûr manger que de l'uranium en ouais. conférence, si on vraiment, il est facile à retrouver. Puis lui, il l'explique, il dit le trois quarts de ce qu'il dit sur le nucléaire, c'est de la bullshit. C'est une affaire d'intérêt. C'est un Ben là. c'est sûr que l'information peut être manipulée avec la propagande et ainsi de suite, mais pour ce qui est de la situation présente, c'est que la Russie a le plus d'ogives nucléaires dans le monde. Après ça, tu as les États-Unis, puis là, il y a d'autres pays. Mais si la Russie, c'est la première puissance au niveau nucléaire et que la situation pourrait dégénérer en Europe de l'Est, ben c'est sûr qu'elle aurait l'avantage à ce niveau-là. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Parce que tu verrais que c'est vraiment ils ont l'avantage. Je me souviens d'une époque que les sous-marins nucléaires russes étaient un danger pour la Russie elle-même parce qu'ils entretenaient mal. Puis c'est bien de valeur, là, mais c'est dans l'intérêt, il faut pas oublier que c'est dans l'intérêt de l'Occident de nous faire peur avec Poutine. Est-ce qu'il y a vraiment. T'sais, c'est vrai, c'est une des armées les plus impressionnantes. Mais ça ne veut pas dire que c'est la plus compétente. Ça veut. Comme là, vraiment, ils vont se lancer dans une guerre. Je sais pas si tu t'as vu. Il y a un film de Kubrick, là, Docteur Follamour, là, Docteur Strangelove. Non, j'ai pas vu. Lui, c'est un film en noir et blanc avec Peter Sellers, puis là-dedans, il fait un ancien scientifique nazi récupéré par les Américains pendant Paperclip, puis il fout raide, il est dans sa chaise roulante, puis il est tout le temps parti dans des affaires de fou. Puis à un moment donné, il explique la stratégie de la machine infernale, ou je sais pas trop. Il explique que ils ont tellement d'armes atomiques, puis c'est automatisé, genre, si jamais les Russes attaquent, toutes les armes atomiques américaines partent en même temps, puis là, ça déclenche les attaques des Russes. Puis il dit, là, il y a du monde, ils sont en conseil de guerre. Il dit, c'est-tu vrai, ça, qu'on est à manche de main? Puis il dit, oui, tout à fait. Il dit, la stratégie de la machine infernale, c'est que c'est tellement épouvantable puis drastique que jamais personne ne va jamais oser attaquer. Est-ce que Poutine il va oser envoyer des ogives nucléaires? C'est une bonne question que tu poses. T'sais, je veux dire, s'il fait ça, c'est comme ça, mettons qu'on est en train de se chicaner dans une petite maison, puis pour gagner ma chicane, je me fais sauter avec toi et à la dynamite. On fait sauter toute la maison, finalement, j'ai gagné, mais je suis mort, là. Moi, je vois pas l'intérêt. Oui, ben surtout qu'il n'y a pas de mentalité, heureusement, comme les Japonais là, de kamikaze, là, avec l'honneur qui prime. Eux autres, ça serait plus un mettons vraiment quelqu'un qui aurait vraiment cette mentalité-là, là, qui serait à la tête, puis qui aurait un arsenal nucléaire, puis que là, tout d'un coup, il est dans genre, ben, on va préserver notre honneur, puis, ah non, ça serait bien plus inquiétant. Les Russes sont pas vraiment de même, tu sais, eux autres, c'est ça que les Québécois, ils sont là, puis là, ces temps-ci, c'est d'haïr l'armée russe, d'haïr Poutine, puis ils se rendent pas compte que les Russes, on se ressemble tellement. Tu sais, je veux dire, les Québécois, ils ont quelque chose que de. Bon, ben, ils aiment ça boire, puis ils aiment ça. Tout ce que je déteste des Québécois, ça les rapproche des Russes, puis je déteste pas les Russes ni les Québécois, là, mais je parle, ils ont des points communs, puis c'est du monde beaucoup dans l'affect, qui vont aller selon leurs affections, dans le sens, t'es mon ami, puis ils prennent des brosses ensemble, puis là, tout le monde est chaud, puis tout le monde s'aime, mais sont dans l'affect, fait que la chicane pogne, puis là, tout le monde se sac des claques sur la gueule. C'est un peu. Les Russes sont un petit peu comme ça. Puis quelque part, moi, je vois pas les Russes se décider de finalement de. Poutine, là, c'est quand même pas un. C'est quand même pas. Il est pas suicidaire, quand même. Pourquoi, pendant tout le temps de la guerre froide, les Russes, ils ont jamais vraiment. Il y a eu de l'asticotage, il y a eu du picossage, mais il n'y a jamais eu de réelle déclaration de guerre. Ça aurait été suicidaire. Ben oui, quand on en regarde ça, là, parce qu'en réalité, tout le monde perdrait, puis comme l'avait déjà dit un penseur, la prochaine guerre, ça serait probablement avec des arcs puis des flèches, parce que tout aurait été détruit. Ben oui, puis même là, tu sais, quand t'es, si c'est comme ils disent, là, qu'il y aurait des radiations, puis tout, possiblement que on pourrait pas se faire la guerre un bout de temps parce qu'on serait isolé par des régions irradiées. Donc, ça serait des petites guerres tribales localisées en cliques. Tu sais, c'est, en tout cas, quitte à repartir une civilisation. Je sais pas si tu te souviens la vieille série La Planète des singes, là, celle des années 70. Oui. À un moment donné, ils retrouvent des gens qui sont pas des singes, des humains, puis sont enfermés dans un ancien complexe militaire, puis c'est rendu des mutants, là, ils ont plus de cheveux, puis Oui. ça serait ça, là, la prochaine civilisation. Mais, tu sais, il reste que. En tout cas, on nous a tellement fait peur avec l'arme atomique, puis c'est surtout une arme de dissuasion. Les Américains n'ont jamais attaqué quelqu'un qui avait l'arme atomique, jamais de toute leur histoire. C'est pour ça d'ailleurs que Kim Jong-un voulait l'avoir, Kim Jong-il voulait l'avoir. C'est pour ça que quand un pays veut. Pourquoi Saddam Hussein voulait des armes de destruction massive? Il n'a jamais eu, mais il en voulait parce que tout d'un coup, il voyait que ses commanditaires s'étaient revirés contre lui. Il avait peur. Si les Américains sont rentrés en Irak, c'est parce qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Pourtant, c'est le prétexte qu'ils se sont servis pour Oui, rentrer. exactement. Donc, c'est normal que tous les petits dictateurs que l'Iran veulent avoir l'arme atomique, c'est sûr. Ça fait des décennies qu'ils se font asticoter. En plus, t'sais, après la chute du Shah d'Iran, puis là, la révolution islamique, puis toutes ces affaires-là, c'est sûr, immédiatement, c'est la première chose qu'ils ont dû penser. Il faut avoir l'arme atomique. Les Américains vont finir par nous attaquer. C'est pour ça que j'ai tout le temps. Moi, je regarde un petit peu aussi ce qui se passe par rapport à l'Iran, là. C'est un allié de la Russie. C'est un. T'sais, je veux dire. De toute façon, là, entre tout puis moi, là, si là, on se fait atomiser, là, ben moi personnellement, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? T'sais, dans le sens que c'est pas nous autres qui décident ça. Ça donne à rien d'avoir peur, ça donne à rien de s'inquiéter avec ça. Je plains les gens qui ont pas, comme les 2 semaines que je viens de passer, j'avais des affaires importantes à faire, puis là j'étais stressé, j'étais sur une nerf, puis là, de temps en temps, intérieurement, ça me disait calme-toi, arrête de t'inquiéter. Puis tout d'un coup, je le savais que c'était vrai. Fait là, je me calme, j'arrête de m'inquiéter. Mais ces 2 semaines-là, je me suis pas intéressé à ce qui se passait en Ukraine, puis je m'intéressais à mes affaires. J'étais à mes affaires. Mais je suis plein de monde qui regarde tout ça, qui regarde TVA Nouvelles, puis qui n'ont pas un contact pour leur dire, tu le sais que c'est le trois quarts, c'est de la merde. Arrête de t'inquiéter, ça va te donner quoi de t'inquiéter? On est rendu là. On est rendu là que notre intellect nous nuit. Oui, exactement. Mais la particularité d'aujourd'hui, à la différence des siècles passés, c'est la puissance des médias de masse qui sont omniprésents dans nos vies. Non seulement il y a la télévision, il y a les téléphones intelligents que plusieurs personnes ont avec des notifications en continu 24 heures sur 24 de qu'est-ce qui se passe, les ordinateurs, les montres intelligentes même. Tu sais, je vois la salle d'entraînement, puis là, je voyais des gens qui étaient avec leur téléphone intelligent, puis ils prenaient des nouvelles, tu sais, au restaurant, un peu partout. Tu sais, c'est très envahissant. Fait que moi, j'ai l'impression que l'astral qui est derrière les technologies qui sont omniprésentes dans nos vies cherche à nous conditionner dans une bulle, puis que le conditionnement soit 24 heures, en tout cas le plus intensif possible, pour nous polariser nos opinions dans un sens par rapport à ce qui se passe en Ukraine ou autre. Bon, au fond, c'est l'astral qui influence les gens qui nous ont concocté ce contexte-là. Parce que ils ont fait en sorte que ces technologies-là soient même aujourd'hui, des téléphones intelligents, il y a du monde pauvre qui ont ça. Puis qui ont Internet. Oui. Puis tu sais, comme il y avait le programme Brancher les familles, puis c'est pour des raisons de conditionnement. ils vont être bien plus prompts à faire que tu as un téléphone intelligent puis que tu as Internet que tu manges à ta faim. C'est la base, c'est rendu de si tu es accessible à la pollution. C'est là que si la priorité du gouvernement, c'est plus qu'on soit informé, entre guillemets, c'est parce que c'est pas de l'information. Sinon, comme là, qu'est-ce qui va rendre acceptable qu'il y ait un autre, notre ami Trudeau va encore nous endetter pour aller armer des civils dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner? Qu'est-ce qui rend ça acceptable? C'est les médias. Oui, bien, qui crée le consentement social. Noam Chomsky parlait de manufacturing consent. Puis là, Ça. les sondages que je faisais allusion tantôt là, dans le journal Le Devoir, ben, disaient ben, les gens veulent l'intervention là, en Ukraine. Là. Puis là, j'ai l'impression que dans les Ben prochaines oui. semaines, on va tout le temps montrer en boucle là, des enfants et des femmes qui pleurent en Ukraine pour mobiliser au maximum la population pour qu'on s'engage dans la guerre. Oh, ça n'a vraiment aucun sens. Vraiment. Ça en est là, de l'information. C'est plus que de l'information spectacle parce que c'est de la. On prend des faits, puis on les met en contexte. Il y a une mise en scène. C'est sûr qu'il va y avoir des femmes puis des enfants qui souffrent puis qui braillent. T'essaieras de faire une guerre qui n'est pas ça. Surtout si ton propre gouvernement, il met les femmes et les enfants dans le chemin. Puis c'est comme là, ils ont dit, ah, oh, ils tirent sur des civils. Je suis pas sûr, moi, que c'est pas certaines troupes. Du monde entraîné par la CIA qui tire pas sur leur propre peuple pour justifier. Je veux dire, ça s'est vu, là. Ça s'est fait à rien qu'en masse. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste un autre niveau de. Vladimir Poutine, là, il sait que ça va être contre-productif s'il y a des images de trop de civils qui souffrent pour rien. Donc, il essaie de cibler stratégique le plus possible, d'être le plus efficace possible. Puis, c'est une armée quand même assez technique, les Russes. T'sais, ils vont pas. C'est pas comme dans le temps de Staline, là, qu'ils se faisaient dire violer toutes les femmes, c'est la guerre psychologique, là. C'est pas le même contexte pantoute, là. Poutine, il sait qu'il y a les médias. Il y a une guerre médiatique aussi. Ouais, puis il y a Il va l'opinion pas faire publique exprès. mondiale, ouais. C'est ça. Puis il sait que plus qu'il y a des bords d'atrocité, plus qu'ils vont armer les Ukrainiens. Donc. De se méfier bien gros de ce qu'on voit. Puis c'est drôle, c'est quoi j'ai vu donc hier, j'ai vu de quoi à la télévision, les Ukrainiens qu'on nous fait parler sont choisis. Puis ils prennent des épées, je trouve. C'est un peu comme quand il y a quelqu'un qui sort du complotisme qui va à Denis Lévesque, c'est pas des gens avec des doctorats, là. Comme là, hier, il y avait un joueur de hockey, là, que dans le fond, il sortait des affaires. Je me rappelle plus ce qu'il avait dit, j'aurais dû prendre des notes. Parce qu'il sortait des affaires, je lui ai dit, voyons, c'est un innocent. Ça n'a pas de bon sens ce qu'il vient de dire là. Puis finalement, je m'en souviens plus, j'ai une mémoire de marbre. Mais par contre, là, je me rappelle aussi une dame qui a parlé. C'est tout le temps du monde qui vient de l'ouest du pays. Tu sais, c'est-à-dire du monde qui vient de la ville aussi, souvent, puis d'un certain type, qui viennent d'une certaine strate de la société, là. Pas la classe moyenne, mais juste un petit peu au-dessus. Donc, ben non, c'est de se souvenir que c'est politique, puis qu'il y a des intérêts, puis c'est des jeux d'échecs. C'est un jeu d'échecs, vous le demandez, d'ailleurs, les Russes sont bons à ça. Bernard, il disait, faites attention aux jeux très intelligents de la Russie, mais pendant qu'on fait ça, c'est parce que les forces de domination sur Terre sont pas russes, sont terrestres, entre autres. Fait que là, moi, je m'en fous, là, je veux dire, comme là, c'est rendu nos. Comme les journalistes sont supposés être neutres. On serait supposé être objectif, puis t'as des présentatrices de TV habillées en jaune et bleu, puis. Il n'y a plus aucune objectivité, il n'y a plus aucune. Si on nous parle des Russes qui souffrent, ça va être les Russes qui osent manifester contre la guerre en Ukraine puis qui se font battre par la police. C'est les seuls Russes qui souffrent que tu vas voir à la télévision. Exactement. Donc, on est nous-mêmes plongés dans un discours de propagande, un peu comme dans la crise de la COVID. Fait qu'on est toujours, au fil des ans, là, dans une forme de propagande. dans les médias de masse. Donc, c'est sûr que le constat que je fais, c'est que on est toujours orienté et dirigé vers un narratif particulier en tant que population. Ben, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des annonces à la télévision. C'était comme un dessin animé, mais c'était pour informer, là. C'était comme un intermède. Puis ils montraient des dessins d'avions qui passent dans le ciel. Puis là, ils rappelaient qu'il faut tout le temps garder des bouteilles d'eau. Admettons que tu as une cave dans ta maison, de tout le temps garder stocké des bouteilles d'eau, des ingrédients secs. Puis ça, c'était parce que quand j'étais petit, il y avait encore l'Union soviétique. Puis je me rappelle quand j'étais en première année. On avait un livre d'affaires générales qu'on avait tout sur notre pupitre. Puis quand on l'ouvrait, il y avait la carte du monde. Puis tu voyais là, l'URSS là, dans le coin, là, qui était tout rouge avec les lettres en jaune, là. Puis je me rappelle, il y a un élève qui avait demandé à la maîtresse, c'est quoi ça? Puis elle avait dit, ça, là, c'est le plus grand pays du monde, puis c'est notre ennemi. Donc, quand j'étais petit, je me souviens de des restes de la propagande de la guerre froide. J'étais jusqu'à l'école, puis c'était à la télévision aussi. Puis on nous faisait peur que c'était possible un jour que le ciel canadien soit égal avec des avions russes, puis qu'il faudrait aller dans la cave de notre maison. Puis c'est pour ça qu'il fallait tout le temps se garder des bouteilles d'eau dans la cave. Puis la propagande, on est né dedans. De la même façon que le reste, là, je veux dire. C'est triste, un tour de force quand t'es né dans quelque chose de le voir. Mais déjà, petit, j'avais l'impression que le but c'était de nous faire peur. Puis j'avais plus peur de certaines forces que j'avais l'impression de ressentir derrière j'avais plus peur de d'où ça venait que ce que c'était. C'est-à-dire que. La maîtresse, je me rappelle ma maîtresse de première année, j'avais l'intuition que c'était une grosse crise de vache. Puis quand je regardais, puis qu'elle nous disait, là, ça c'est notre ennemi. Moi, dans ma tête, l'URSS, c'est pas là, là. Puis elle me dérange pas. Mais elle, c'était une grosse bonne femme-là qui servait du conditionnement, du renforcement négatif pour terroriser ses élèves. Moi, elle m'a jamais fait peur. Puis je l'haïssais. J'avais pas peur d'elle, mais à mes yeux, dans la classe, c'était clairement elle, mon ennemi. C'était pas ce qu'il y avait dans ce qu'elle nous disait. Puis à la télévision, je me rappelle, c'est comme les affaires, comme je te parle, là, que ça me faisait un petit peu plus peur. Mais il reste que, parce que en plus, je me rappelle quand j'avais vu ça, on avait. Moi, je me disais, ah, bon, moi, ma chambre est dans la cave, t'sais. Je me dis, s'il y a quelque chose pendant la nuit, je suis déjà dans la cave. Mais il reste que cette espèce de climat-là, cette lourdeur-là, ça, je m'en souviens. Puis je me rappelle, à un moment donné, faire la différence entre le sujet, puis je veux dire, entre l'objet puis la signification, dans le sens que le vrai ennemi, c'était cette ambiance-là. Le fait d'avoir peur. C'est drôle, hein? Il reste que, quand j'y repense, là, finalement, là, comment c'était... C'est bien pire à cette heure-là. Je plains vraiment les enfants. Ben oui, mais c'est parce que dans notre temps, quand on était jeune, on avait la télévision, la radio, les journaux. Là, c'est encore pire avec les réseaux sociaux, Facebook. Des choses sont relayées 24 heures sur 24. Là, des enfants qui ont des cellulaires partout 24 heures sur 24 vont prendre ça pendant la nuit à 2 heures du matin à regarder les nouvelles, tu sais. Il y a un neurologue belge qui a démontré à quel point ça détruit, ça nuit au branchement synaptique des enfants pendant la formation du cerveau, les écrans. Il n'y a personne qui en tient compte. C'est un neurologue belge-là, il l'a démontré. Preuve à l'appui, là. Plus tu as d'heures de télévision ou d'écran, peu importe, là, de tablette ou de téléphone intelligent, plus que les connexions synaptiques dans le cerveau, ils sont tout croches. Ça nuit au développement du cerveau des enfants. Il n'y a personne qui en tient compte. Pourquoi? Parce qu'on est du bétail, puis que c'est voulu. C'est la même chose. Imagine, là, le masque, il y a des études qui démontraient, là c'est les autres. Là, tout d'un coup, ils ont décidé qu'ils enlevaient ça dans les écoles, mais là, c'est encore à telle date qu'ils vont l'enlever. Pourquoi? Parce que là, il y a des gens qui sonnent l'alerte, notamment des pédiatres, puis des orthophonistes, que ça nuit au développement du langage chez les enfants, mais ils vont avoir attendu. Hey, c'est depuis le début qu'ils ont imposé ça, qu'il y en a qui sonnent l'alerte. Puis là, c'est tard qu'ils vont l'enlever à telle date, je pense au mois de mars ou avril. Ils prétextent que oh, c'est parce que Boileau, puis l'autre, la madame, je me souviens plus de son nom, là, qui était habillée en rouge et noir, là. En tout cas, dans les conférences de presse, ils disent c'est parce que ça nuit au développement des enfants. Ça, on le savait avant que tu Ben nous oui, l'imposes. exactement, avant que ça soit mis en place, là, exactement. Il y avait des gens qui... Ils justifient leurs actions, mais c'est jamais cohérent avec ce qu'ils disent au fond. Parce que le but, c'est que le cerveau, entre autres, puis le comportement, c'est ceux qui contrôlent le langage, qui contrôlent la masse. Donc, c'est clair à mes yeux que c'est voulu. On veut créer des enfants plus passifs, plus obéissants, plus crétins. On fait exprès. On veut créer une masse c'est de la ressource humaine. C'est une masse standardisée de crétins. Pourquoi? Parce que ça gère mieux. De toute façon, les grandes gestions, ils veulent que ce soit de l'intelligence artificielle. Oui, C'est là. avec des algorithmes, oui. Donc, t'as plus besoin que les enfants soient si intelligents que ça. Au niveau de la masse, là, je parle là, au large. Donc, ils font exprès. Mais ça, c'est criminel à mes yeux. C'est un crime. Mais il y a de ces enfants. Le fait, les lois de la vie, de la façon que c'est fait, puis l'intelligence aussi, l'énergie derrière les formes, puis de la façon dont ça fait éclater les formes, font que ils vont créer, en voulant créer une grande majorité de crétins, ils vont créer une minorité d'extraordinairement brillants puis de génies. Pourquoi? Par réaction, puis par loi naturelle. De la même façon que quand j'étais petit, que j'ai fini par comprendre que la professeure, dans le fond, même si c'était pas son intention à elle de me nuire en nous faisant peur, de nous nuire, même si c'était pas vraiment son intention, j'avais vu qu'au-delà de ça, c'était l'intention de quelque chose. Je l'avais senti. Puis j'avais cessé d'avoir peur de ça. Puis je m'étais mis à avoir plus peur des gens comme elle, puis des institutions. Parce que je les considérais comme des inconscients. Puis puis même, je me rappelle à la même époque d'avoir commencé à me rendre compte que mes parents étaient pas si intelligents que je pensais. Puis de me rendre compte que c'est pas parce que t'es un adulte que t'es brillant. Puis que là, j'étais entouré d'adultes très moyennement intelligents. Exactement, mais ça t'a amené à développer un esprit critique par rapport à tous ces gens. Ben, par mécanisme de défense, parce que l'enfant est vulnérable, il faut qu'il se défende. Il faut qu'il gère l'information puis qu'il se défende. Mais au début, ça me nuit, mais ça a fini par créer d'autres structures qui font que je voyais autre chose. Je parle autre chose que ce qu'on voulait que je voie. Mais c'est la même chose. En voulant contrôler les masses, ils vont créer des gens qui vont trouver les failles. En voulant rendre une majorité d'enfants dociles et obéissants, ils vont créer des super rebelles d'un type qu'ils pouvaient même pas concevoir. Puis, tôt ou tard, c'est pour ça que ça m'inquiète pas tant que ça, mais tôt ou tard, ces forces collectives-là vont être grugées par des individus. Ça peut pas faire autrement. Ça peut pas marcher. C'est pour ça, dès le début, je disais, ça marche, pourquoi pas. Mais là, ce qui se passe en Ukraine puis en Russie, il faut pas être dupe de ça. Moi, je suis pas en Ukraine. Moi non plus. J'ai bien assez de mon dictateur à moi, Trudeau. J'ai bien assez de mon dictateur local, Legault. Que peut-être qu'on va se ramasser avec Dominique Anglade au provincial, puis Jean Charest au fédéral. Qu'ils ont arrêté toutes les enquêtes de corruption qu'il y avait sur lui, là, quelque temps avant qu'il parle de le ramener en politique, lui. Oui. Donc, tu sais, là, je veux dire, on est sur la planète vampire, on est sur la planète manipulation. On est sur la planète le prince de la Terre, c'est-à-dire des forces sataniques, puis au-dessus de ça, des forces luciférienne. Puis, quelque part, il y a là un test, puis une occasion de rentabiliser notre expérience pour engendrer un espace créatif, une capacité d'essayer de transcender tout ça. D'ailleurs, on semble-t-il que c'est le but. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est de ne pas être dupe. Comment là, qu'on braillerait là, à cet ordre de terre là, pour l'Ukraine, puis. C'est pas nous autres qui décident, c'est des pas bons puis des bons rien qui décident. C'est sûr que ça va engendrer de la souffrance expérimentale. Ça peut pas faire autrement. Ça, est-ce que ça a déjà été autrement? Donc, les individus, à un moment donné, là, c'est d'arrêter de se faire disperser son énergie. Là, collectivement, peut-être, là, on va être capable de se reconnaître puis se regrouper. Puis, mais de capoter avec la guerre en Ukraine, je veux dire, c'est possiblement planifié depuis un bon bout de temps. Puis, c'est sûr que c'est choquant, c'est sûr que. Mais c'est rentabiliser ces chocs-là pour voir de plus en plus clair, pas que ça soit pas pour être paralysé sur place par le choc. Puis de pas s'apitoyer sur la condition humaine, être dans le mouvement. Mais là, je veux dire, pas d'aller se battre en Ukraine. Hey, je vois ça, là, il y en a, ils veulent se porter volontaire pour aller se battre en Ukraine. Ben oui. Faut-tu être cap? Vraiment, là, sans, je dis ça sérieusement, faut être gnochon. Moi, en tout cas, je la pogne pas. Je veux dire, faut être sans dessin un petit peu, là. Il y en a un ancien combattant qui a parlé dernièrement, que lui, il dit, oh, être pas être invalide, là, j'irais. Puis je le regardais, puis je me disais, c'est une cave. Méchant gros épais. Mais eux autres, Pourtant, ils j'ai croient beaucoup de bien respect faire. Ils pour eux. écoutent les médias. Les médias ont dit c'est Poutine le méchant. Fait que là, les autres, ils vont dire on va aller combattre le méchant. Le gars, il est rendu invalide à cause de la. Puis il a une petite pension de misère à cause de justement que l'armée canadienne, il respecte pas le monde. Puis il dit, ah, oh, si j'étais pas magané, j'irais. Ben, moi, j'ai quasiment envie de dire, vas-y pareil. Au pire, rendu gros comme t'es, puis malhabile comme t'es, au moins tu vas être dans les jambes des Russes, puis ça va y ralentir un peu, mais qu'ils s'enfargent dans le tas à terre. Tant qu'à faire. Tu sais, ça peut avoir l'air méchant ce que je dis là, mais ça peut pas nuire, vas-y. Dans le sens, c'est sûr que tu vas nuire. C'est ça, mais tu as des grandes âmes spirituelles qui veulent aller sauver les autres, puis en fonction du triangle de Cartman qu'on parlait tantôt, ben eux autres, s'ils se font répéter à journée longue les médias, telle personne, Poutine, c'est le méchant, ben à force de faire répéter, ça devient pour eux une vérité. L'ego est insécure de nature parce qu'il est réactif de nature. Puis comme il est psychologique, puis qu'il est tout le temps dans la projection, c'est-à-dire que l'ego, il sert d'écran pour les projections parce qu'il s'identifie subjectivement à ses pensées. Dès que l'ego a peur puis qu'il se sent victime, il va inconsciemment, immédiatement vouloir devenir soit un bourreau, soit un sauveur. Quelque part. Donc, tu vas avoir du monde qui ont été victimes d'abus, par exemple, quand ils étaient enfants, qu'adultes, ils vont devenir des abuseurs eux-mêmes ou ils vont se mettre à vouloir aider les gens victimes d'abus. Parce que l'être humain est psychologique. Il est dans sa souffrance psychologique, puis il est obligé d'obéir à ces mécaniques prédéfinies-là. À moins de développer une conscience de sa conscience, puis de ces mécaniques-là. À ce moment-là, tu n'es pas pour Poutine, tu n'es pas contre. Tu restes chez vous, puis tu essaies de faire tes affaires. Je vois pas, ça donnera absolument rien, là, à notre échelle, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va attendre que ça finisse. C'était comme leur niaiserie de COVID. Puis même qu'ils ramènent ça, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Oui, C'est comme je ben, dis. moi, la game par rapport à la crise sanitaire, une piste sur laquelle je voulais t'amener, c'était que moi, j'ai l'impression, à cause de la grogne populaire avec les manifestations qui ont eu lieu au Canada, à Ottawa, au Québec, puis bon, dans d'autres pays dans le monde, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va laisser la poussière redescendre par rapport à la colère, on va focusser l'attention des gens sur la crise en Ukraine, puis là, à l'automne, on va revenir avec une autre menace. Puis là, comme les gens ont déjà goûté au passeport au Québec, on est déjà préconditionné par rapport à ça. Fait que leur mettre, ça va être plus facile que la première fois. Ben oui, on va avoir les deux en même temps, la crise sanitaire avec la guerre. C'est juste, faut qu'ils donnent du lousse un peu entre-temps. Là, l'inflation puis le prix du gaz, ils pouvaient mettre ça sur le dos des truckers, mais là, Poutine est arrivé d'une façon providentielle. Ils peuvent faire un break sur la crise sanitaire. C'est Je ça, vois puis ça un pendant. peu de même. Puis en ce temps-là, ben c'est sûr que l'agenda, que les gens qui ont déjà goûté au passeport, ben on va dire on va se faire injecter de nouveau pour reprendre nos droits et notre passeport, pour que ça entre dans les mentalités. Puis la façon que je vois ça, ben pour 2025, l'objectif au Québec, c'est l'implantation de l'identité numérique avec le ministre de la Cybersécurité. Là, il est question que d'ici 2025, d'ailleurs, je te l'ai partagé là, par Skype, l'article pour la reconnaissance faciale. J'avais fait une vidéo là-dessus là, récemment sur YouTube. Fait que l'objectif, c'est que avec les téléphones intelligents, une application que partout où ce que tu es, ben, tu n'as pas besoin de présenter des cartes d'identité. Le téléphone, dans le fond, te donne accès à tes comptes par rapport aux différents ministères, permis de conduire ou autres, Ah avec la oui, mais reconnaissance moi j'en faciale. ai pas de téléphone. Sais, puis j'en veux pas. Oui, mais la reconnaissance faciale, c'est un autre niveau. Même si tu n'as pas de Ouais, je téléphone. sais, mais ils vont commencer par avec le téléphone. Mais même là, t'sais, je veux dire, admettons que tu vas avoir accès à un service du gouvernement Oui. en ligne, ben c'est la caméra de ton téléphone qui te scanne la face. Si tu arrives à un lieu que pour avoir accès, il faut que tu sois scanné puis qu'il n'y a pas de caméra dans ce lieu-là, puis tout, c'est par le GPS de ton téléphone que tu te fais scanner à la face que la porte va débarrer. Je sais Exact. pas si tu vois ce que je veux dire, là. Donc, après ça, ils vont vouloir amener que tu es aussi bien d'avoir le GPS dans le corps. Faire implanter la puce cutanée. Parce que c'est mal commode de se promener avec un téléphone partout. Mais en même temps, je pense qu'avec la reconnaissance faciale, un peu comme si tu disais en Chine, c'est qu'ils vont mettre des caméras partout qui vont faire en sorte que tous les commerces vont avoir à l'entrée une reconnaissance faciale qui va s'opérer avec un logiciel sur la caméra, puis ça va se faire automatiquement là, pour débiter de l'argent de Ouais, ton mais compte. ton compte, il faut qu'il soit dans quelque chose, il n'est pas dans ta face. Non, mais s'il y a une mise en relation entre ta figure, tes informations personnelles qui se fait automatiquement, un peu comme en Chine, sur le crédit social, tu sais, je voyais une vidéo où ce que la personne, le visage, il y avait le nom qui apparaissait à côté, puis probablement que si tu aurais cliqué sur le nom, tu aurais toutes les informations qu'a le Parti Ouais. communiste chinois sur la personne. Mais je suis sûr qu'ils vont prétexter que ça prend une puce dans le corps. Pareil. D'un coup que la caméra elle dysfonctionne ou je sais, ils vont trouver une façon de prétexter ça. Bien, C'est. tu as probablement raison pour un croisement de variables biométriques, là aussi, sinon, en disant que, ben, en plus de reconnaissance faciale, ben, c'est la reconnaissance de l'iris. Parce que je sais de. Je suis sûr, là. Oui. Ils sont capables de faire de la reconnaissance de la forme du crâne. Ah, ben, il À y a la travers démarche les murs. aussi. J'ai vu un logiciel aussi qui coordonnait la reconnaissance faciale avec la reconnaissance de la mouvement de la démarche de la personne. Il y a des types de caméras, tu vois à travers les murs, puis la reconnaissance de la personne, elle se fait par la structure du crâne. Comme une empreinte digitale en trois dimensions. Puis ils sont capables de voir vraiment, là, comme quand il y a eu la crise du COVID au début, ils filmaient avec des caméras de même pour montrer qu'il y avait des parties privées, puis on voyait à travers les murs comme s'il n'y en avait pas. Mais ça va plus loin que ça encore. Mais tu parles-tu ici de caméras avec détection thermique? Un peu comme Ah non. dans le film Predator, ce que tu vois des couleurs par rapport à la chaleur. C'est par c'est que ça marche plus sur le principe du sonore. Il envoie des ondes, puis il y a une réfractation OK. ondulatoire. Qui renvoie de l'information en trois dimensions. Un programme qui lui reconfigure l'image. Parce que tu vois la détection thermique, tu vois juste des couleurs, tu vois une silhouette colorée. Ça peut être utile pour à plus large échelle si tu cherches quelqu'un dans une forêt, par exemple. Mais au niveau de que ça voit à travers les murs, là, tu vois même les vêtements du monde, là. Tu vois comment ils sont habillés. Donc, puis même là, tu peux aller plus loin, puis tu peux voir à travers les corps. Tu peux voir la forme. C'est là, il y a une biométrie du crâne. Mais ça, c'est en ce moment, c'est des affaires classées, là. Mais ils sont capables de. Ils peuvent de loin repérer du monde à travers des murs, puis savoir qui est qui. Mais il faut qu'ils aient réussi à scanner la personne avant, là, pour pouvoir la reconnaître. Une fois que c'est fait, puis c'est pas compliqué, tu viens de passer dans un couloir, tu le sais pas, puis tu te fais scanner. Après, ils peuvent te repérer n'importe où. Puis à Un peu ça comme peut quelqu'un qui coucher sur des passe petits dans draps. un couloir pour prendre l'avion, puis est scanné. C'est ça. Après, tu as des petits drones qui se promènent. Il y a une caméra dessus qui envoie. C'est même pas une caméra avec une lentille, c'est de quoi qui émet des ondes. puis par la réfractation dilatoire, ils ont tout l'édifice structurellement. Ils peuvent voir comment c'est fait en dedans, combien il y a de personnes. Tu as différents niveaux que tu peux voir les gens, là, quasiment en trois dimensions. C'est plus des caméras optiques, là. Mais ça, c'est des affaires. Ça va loin un petit peu, là, dans le sens qu'ils n'en parleront pas de sitôt. C'est pas le genre d'affaire que. De toute façon, la trois quarts de la technologie, là, ce qui est le plus intéressant, on n'en entend pas parler. Comme en Corée, ils ont sorti. Tu sais, des fois, c'est des films. Tu peux imprimer un film. C'est un carton, puis tu regardes, puis c'est une photo, puis la photo, elle bouge. C'est rendu en Corée, c'est connu, là, mais ça, il n'y a personne qui. Parce que le marché n'a pas été encore. Développé pour ça, là, ça serait comme en trois dimensions. Ben, dans le fond, c'est un écran mince, mince imprimé. C'est des particules, c'est une mémoire de. Au lieu d'imprimer une mémoire d'une image, tu vas avoir une mémoire d'un mouvement d'image, mais c'est des micro-particules qui sont. C'est de l'impression par de la. Voyons, de la. Des micros. Voyons, des cristaux liquides. C'est basé sur la peau de calmar. Les calmars puis les pieuvres, ils peuvent changer de couleur comme ils veulent, puis ils peuvent avoir des effets de couleur puis tout, parce que c'est des petites cellules capillaires qui grossissent ou qui rapetissent. Ils ont réussi à créer des cristaux liquides qui peuvent faire la même affaire. Fait que tu peux imprimer une image que c'est comme un petit écran, mais c'est une photo. Mais la photo, elle te répète en boucle une vidéo. Mais c'est des micro-particules qui bougent dans les. En tout cas, non, mais c'est un peu compliqué. Je suis pas quelqu'un de techno. Non, mais c'est correct. Tu le vulgarises quand même assez bien. Là. Je comprends un petit peu, là, comme des fois on voit sur Facebook, là, on appelle ça des GIFs, là, des petites images en boucle qu'on peut mettre. Il va falloir que je te laisse, étant donné que le temps file. Oui, puis ça fait un peu plus de 3 heures là, qu'on discute ensemble. Donc, pour compléter l'enregistrement, je répète aux gens que si vous voulez entendre davantage parler Berthold, bien entendu, vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube, dont je mets les coordonnées là, en bas de l'enregistrement. Je vais mettre aussi les liens web là, pour avoir accès là, à d'autres enregistrements de lui là, que vous pouvez retrouver dans mon audiothèque que j'ai faite. C'est rapportant. Sinon, pour les personnes qui apprécient ces entretiens qui nous amènent à aller au-delà du narratif véhiculé dans les médias, eh bien, cette initiative que j'ai au fil du temps de faire des entrevues avec Berthold, eh bien, vous êtes les bienvenus pour m'apporter une contribution financière, un soutien à mes activités de diffusion web. D'ailleurs, à cet effet, vous allez retrouver en bas de l'enregistrement, là, mes coordonnées, là, advenant que vous auriez envie de me faire un virement par les services de paiement sécurisés que sont Interac et PayPal. En ce sens, et comme à l'habitude, Berthold, je te remercie beaucoup pour tout le temps que tu as consacré à cet entretien. En terminant, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Peut-être cet été, je vais avoir des annonces à faire, là. Ça se peut que. Finalement, je finisse par avoir une petite compagnie de production, là, comme ça. Ça va peut-être être plus facile, tant qu'à faire, avoir un site qu'on peut protéger le matériel, là, parce que possiblement que la censure n'est pas finie. Mais non. Je verrai. Non, exactement. En tout cas, tu verras, puis tu pourras me tenir au courant, puis ça pourrait être un élément qui sera abordé là, dans un futur entretien là, qu'on aurait ensemble. Bon, ben parfait. Donc, bonne journée. Oui, à toi aussi. Au revoir.